Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, Louis soit le bon Dieu, bienvenue sur Oremus, votre émission nationale catholique préférée. Vous êtes actuellement en train d'écouter l'épisode numéro 9, celui d'octobre 2023. Alors avant de passer à la présentation des chroniqueurs aujourd'hui, je suis obligé de faire quelques rappels utiles. Vous pouvez retrouver nos enregistrements sur Gab et Odyssée à l'adresse Oremus officiel. D'ailleurs, on a de charitables camarades qui nous relaient sur Telegram, pareil, au canal Oremus officiel. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Donc, il y a Bobby Bob. Salut Bobby, comment ça va? Salut Dédé, bonjour à tous. Ça va très bien, je te remercie. On voit que Rex est arrivé aussi. Bah écoute, Heidi, Aido, on rentre du boulot, j'ai envie de dire. Alors, il paraît que l'ami Longinus va nous rejoindre. Apparemment, il va être relié par Elzinko qui prend son tour de Mirador. Du coup, Elzinko sera pas là parce qu'il surveille. Mais Longinus nous rejoindra. Premier sujet, on va un peu parler du Père Mathieu. Il s'avère que le Père Mathieu a ressorti une vidéo récemment. Hein, donc le Père Mathieu, enfin je dis Père, entre guillemets, bien sûr, il a été ordonné selon le rite de Montigny-Paul VI. Donc voilà, c'est Monsieur Mathieu. Hein. Donc il a sorti une vidéo nouvellement. Il se félicite de cette vidéo parce qu'apparemment, la secte conciliabulaire, donc l'église officielle, hein, entre guillemets, se mettrait à favoriser les unions de couples homosexuels. Alors on écoute cette vidéo et on revient après. Est-ce que vous avez eu cette info qui est sortie il y a deux jours? L'église catholique de la Belgique flamande vient de mettre en place une célébration de prière pour les couples homosexuels qui s'engagent dans une union aimante et fidèle. N'est-ce pas fou quand même? Vous vous souvenez de cette chasse aux sorcières dont j'avais été victime il y a un an par tous ces cathos bien-pensants qui me condamnaient comme un hérétique? Et donc aujourd'hui, ce sont des évêques, c'est-à-dire le plus haut degré dans la hiérarchie de l'église, qui vont autrement plus loin que ce que j'avais pu dire quand j'expliquais que c'était pas forcément un péché que d'avoir une relation affective sincère lorsqu'on est gay. Est-ce que pour le coup, ceux qui avaient été si prompts à me condamner, et par là même à faire porter la culpabilité du péché à tous ces couples chrétiens de même sexe, auront la déontologie d'en faire tout autant à reconnaître qu'ils n'ont peut-être pas eu des paroles très ajustées? Rendons grâce pour cette avancée, la théologie n'est pas une science figée. Et peut-être prions pour tous ces couples, qu'ils soient hétéros ou homo, que le Seigneur leur offre la grâce de vivre un amour vrai, sincère et fait de fidélité. On vient donc d'écouter le Père Mathieu, entre guillemets. Il parle d'une véritable chasse aux sorcières. Bon, c'est au moins, il s'estime plutôt dans le camp des sorcières, c'est intéressant. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Bobby, si tu veux commencer? Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est qu'en fait, il prend ça comme une victoire, lui. Il est très heureux de savoir que les modernistes s'alignent sur ses positions. Bien sûr, nous, on prend ça comme une défaite. Et il va jusqu'à préciser que ce sont même des évêques qui se sont alignés sur des positions qui n'ont vraiment aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de termes, des termes de bonne femme, en fait. C'est pas sérieux, c'est pas des termes tangibles. On parle d'union amoureuse et sincère. Si c'est ça le seul critère pour avoir une union valable, moi, j'aime beaucoup mon chat, hein, et je suis assez sincère quand je dis ça, je vais me marier avec mon chat. Non, mais c'est le même délire, en fait. Oui, et puis on peut signaler, bon, voilà, c'est l'abbé du croque-top à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, on va dire, c'est lui qui se fait remarquer, hein. Ses propos en soi, Vatican II le soutient, Vatican III comme on disait, mais en vrai c'est multicondamné dans la Bible, hein. Les efféminés, les sodomites, etc. en prennent pour leur grade, la ville de Sodome et Gomorre engloutie par le feu, etc. Et également, bah, de toute façon, rappelé par le droit moral de l'Église depuis 2000 ans, donc voilà, c'est pas la parenthèse Vatican II délirante qui épouse le monde moderne, qui doit nous faire changer là-dessus, même si ça n'est pas étonnant que, oui, en effet, des évêques, entre guillemets, eux, y croient. Donc voilà, on voit en plus le type est complètement efféminé, enfin c'est caricatural, quoi. Ça remplace le rôle des femmes, hein. C'est en ça que c'est pas bon du tout. Et excité, en effet, c'est le mot, hein. Ouais, c'est vrai que je veux pas trop savoir ce qu'il fait avec ses parties intimes, mais c'est un peu bizarre, hein, quand même, comment il sautillerait presque, quoi. Donc voilà, comme je disais, après mille et une condamnations bibliques et du droit canon, il hein, n'y a rien à, aucun doute à avoir là-dessus. Hein. Parce que là encore, les spécialistes de l'hébreu biblique nous disent que le terme employé, yada, ne fait nulle part ailleurs allusion à des relations, des rapports homosexuels. Ça signifierait plutôt faire connaissance, se confronter. Donc dans la symbolique, si Dieu déverse sa colère sur la ville, c'est pas tant parce qu'elle ne serait remplie que d'homo. Misérable hypocrite. On n'a jamais dit qu'il n'y avait que des homos à Sodome et Gomorre. Mais il est clair que la débauche y régnait, que ce vice, eh bien, y dominait. Ensuite, tu es vraiment un ignorant. Certes, Lot accueille des anges, mais les sodomites, eux, l'ignorent, puisque ces anges ont une apparence humaine. Ce qu'ils leur réclament, ce sont bien des hommes. De plus, ils ne viennent pas pour agresser ces hommes, mais bien pour s'abandonner avec eux à leur passion sexuelle. Car la traduction de « s'unir avec ces hommes » n'est pas du tout orientée. Elle rend au contraire parfaitement compte et exactement du sens. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et s'il est vrai que le terme hébreu biblique a bien le sens de « connaître », tu sembles ignorer, Matthieu, que c'est justement ce terme qui désigne habituellement les relations sexuelles. Et tu es tellement aveuglé par ta perversion que tu n'as pas vu que deux versets après le passage que tu lis, on entend « Voici, j'ai deux filles. » C'est Lot qui répond. « Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi vous les amener et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Donc, espèce de triple saut. Tu ignores donc que le verbe « connaître » est une expression biblique qui signifie souvent, pas toujours, mais le plus souvent, ça dépend du contexte, « s'unir sexuellement ». Expression qui est omniprésente dans la Bible. À Genèse, chapitre 4, verset 1er, on entend « Adam connut Ève, sa femme, et il conçut des enfants ». Et en soi, d'ailleurs, il est assez ringard dans le sens où c'est même pas genderiste hein, son discours. Il n'a pas encore évolué dans la phase super trans. On sent que ça, c'est pour Vatican IV. Quoi. Il est un peu ambigu d'ailleurs. On sent qu'il est effectivement dans une phase intermédiaire parce qu'il est très heureux qu'on parle de bénédiction de couple homosexuel. Mais alors, dans sa logique, vu qu'il n'y a pas de problème, dans sa logique de taré, ben, du coup, il faut passer à l'étape supérieure. Les mariages homosexuels, vu que ça, apparemment, c'est pas un péché, il suffit d'être sincère. Il faut qu'ils fassent vraiment des mariages homosexuels dans les églises. Et comme ça, peut-être que les gens verront plus la distinction entre la vraie église catholique et puis ces clowns là, qui font n'importe quoi et qui demain, comme tu le dis, passeront à marier avec les femmes à barbe, avec on ne sait pas trop quoi. En fait, on a un peu l'impression que le sorcier Matthieu est vraiment à l'avant-garde du modernisme, quoi. Donc, en fait, en mars 2021, il y avait donc l'église officielle qui avait quand même publié un petit document de la congrégation de la foi comme quoi on ne pouvait pas bénir les couples de même sexe, les unions de couples de même sexe, que ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Mais bon, lui, le sorcier Matthieu le voulait quand même et disait partout qu'il fallait le faire et que c'était très bien. Et là, bon, le modernisme avance encore un petit peu, parce que c'est ceux qui sont donc à la tête, donc les évêques, hein, donc les soi-disant évêques, en tout cas qui représentent l'autorité de leur église conciliabulaire, qui prennent le relais sur le sorcier Matthieu, quoi. Et voilà, ça fait partie l'homosexualité, tout ce qui est sodomite, inverti, pour employer des mots un peu plus concrets. Hein. Ce sont des péchés, un des rares péchés qui crient vengeance vers Dieu, pour dire que c'est carrément parmi les plus graves. Hein, il y en a quatre, dont aussi ne pas verser le salaire à ceux qui travaillent, par exemple. Donc là, voilà, on est dans le pire du pire, et là, c'est entamé. Je me souviens, lors de la Manif pour tous, il y avait cette association délirante qui s'appelait David et Jonathan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Ouais, c'est une association de Tarlouse. Puis les mecs, ils mettent une couche de religion avec un blasphème énorme en plus, parce qu'ils font référence à Jonathan, pour le coup, qui était ami avec David, donc David le roi David, qui a succédé à Saül, et qui a précédé à Salomon, qui était dans l'Ancien Testament, qui était quelqu'un de vraiment honorable. Bon, il a eu deux, trois petits accros, mais je veux dire, c'était quelqu'un de vraiment d'honorable, un exemple. Il est très attachant, ce roi David. Il a toutes les qualités, même celles du théâtre. il a toutes les qualités, David. Militairement, c'est un héros. Il tue les lions, il tue les ours, il tue Goliath. C'est un poète, c'est lui qui compose les psaumes, 73 psaumes sur 150. Il est inspiré du Saint-Esprit, c'est un prophète, David. Il sera roi aussi, mais également, il est inspiré du Saint-Esprit, il est musicien. Il joue de la harpe à la perfection, etc. Et puis, vous verrez sa magnanimité aujourd'hui, c'est inimaginable. Bon. Bien sûr, David n'était absolument pas de la jaquette. D'ailleurs, il avait plusieurs femmes, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Et les homosexuels ont inventé une histoire pas possible, où finalement, ils nous crachent vraiment au visage, là. C'est-à-dire qu'ils prennent un grand saint de l'Ancien Testament et ils le travestissent en homosexuel, quoi. Ils n'avaient pas besoin de rajouter ça en plus comme blasphème, mais ils se permettent tout. Jonathas, le fils de Saül, va prendre le parti pour Saül. Il a une amitié, une affection même pour David, et qui ne se démentira pas jusqu'à sa mort. Cette amitié n'est pas comme le groupe LGBT veut nous le faire croire. C'est vrai qu'il y a 2-3 expressions de l'écriture qui semblent indiquer qu'il y avait une affection vraiment profonde de Jonathas pour David. Voilà. De là à nous faire croire qu'ils étaient un peu à tendance, il faut arrêter les bêtises. C'est pas dit du tout, évidemment. Puis quand on connaît Jonathas, il n'a pas eu le temps d'aimer les femmes, mais quand on connaît David, lui par contre, il les a aimés, et peut-être un peu trop. Hein. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et j'étais très étonné de voir que même dans nos rangs, des gens ont trouvé ça, on va dire, malin. Ah ben voilà, on va accepter une association homosexuelle dans la manif pour tous, et quelque part, on ne pourra pas nous accuser d'homophobes. Oui, en fait, le pouvoir ne s'est pas gêné pour nous taxer d'homophobes, qui est d'ailleurs un terme qui ne convient pas, parce que homophobe, moi personnellement, je n'ai pas peur des homosexuels. Ben oui, tu es homovore. Mais je pense que les homosexuels pourraient avoir peur de moi dans certaines circonstances. C'est d'ailleurs une peur irrationnelle en plus en psychologie, donc ça voudrait dire qu'en fait on est complètement en tort dès lors qu'on emploie cette expression. Après, tu as raison de signaler un peu sur la manif pour tous, mais bon, ça c'est la droite molle, semi-libérale, semi-catho, on ne sait pas trop. Elle est capable de s'accommoder de choses modernes pour essayer de se défendre un petit peu en restant conforme, machin. Mais en fait, ça marche pas. Il y a que la radicalité qui compte. Et là, on est face à un progressisme béat, qui était dénoncé d'ailleurs par Georges Sorel, qui est un socialiste non-marxiste, disons, qui a pu influencer, entre autres, la pensée de Benito Mussolini. Et là, c'est ça avec eux. Bon, c'est évidemment une idéologie à ruiner, un peu comme les délires LGBT, qui vont un peu plus loin que ce faux père. Et qui est un autre sujet aussi que la technologie. Parce que la technologie, bon, c'est quelque chose qui évolue sans cesse, c'est plutôt neutre, ça dépend de ce que l'on en fait, en fait. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas mauvais en soi, c'est pas bon en soi, c'est neutre, c'est ce qu'on en fait, quoi. Est-ce qu'on le met à sa place, est-ce que l'éthique humaine arrive à le réguler, là, c'est pareil. Alors que là, bon, ils essaient de légitimer des délires qui sont complètement multicondamnés et rejetés à la fois. Je la vois comme un couteau, en fait. C'est-à-dire que si vous vous en servez pour, je sais pas, couper vos champignons, bon, très bien. Si vous en servez pour assassiner des innocents, forcément, c'est un autre problème. Ou vous l'insérez où je pense aussi, ouais. Ah, bah là, du coup, on est dans le sujet très avec clairement. Les nains de jardin, c'est ça, par rapport à la dernière émission. Oui, en fait, on a découvert lors de la dernière émission que, comment dire, les valeurs de la République, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, c'était un espèce de fourre-tout, et en fait, on a découvert que c'était ces gens qui débarquaient. Ah, bah c'est l'urgence. Ça, c'est un fourre-tout, voilà. Comme tu viens de le dire. Voilà, ils débarquent aux urgences avec une ampoule, un hamster vivant ou mort, ou que sais-je, et coincé où je pense. Et puis voilà, c'était les valeurs de la République qu'on a découvert. Et en fait, ce père Mathieu, finalement, défend bien ces valeurs de la République. Hein. Il ne sera pas condamné. Il est membre de l'association David et Jonathan, donc il devait débarquer aux urgences d'ailleurs. Que croyez-vous qu'il va se passer quand je vais introduire l'élément gerbille dans la chaleur endothermique du cul de Monsieur Esclave? Voyons cela. Mais d'ailleurs, vous avez vu comment il termine sa plaidoirie, là? Il dit « Ah bah, je suis très heureux parce qu'on voit bien que la théologie n'est pas une science figée. » En fait, il a tout dit quand il a dit ça, il n'a même pas fait exprès. Mais ça résume bien les modernos, ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout évolue. En fait, plus rien n'a de valeur, d'ailleurs. Demain, bah, comme l'a dit Rex, il y aura Vatican 3, 4, 5 000. S'il n'y a plus de dogme, il n'y a plus de stabilité. Et en fait, demain, on pourra se rendre compte que, oh, bah, finalement, tout ce qu'a dit le Christ, bah, ça vaut plus rien, voilà, parce qu'il faut évoluer. Également les générations futures, c'est-à-dire que tes enfants, en fait, ne t'écouteront pas et te mépriseront parce qu'ils auront, entre guillemets, d'autres dogmes. Ils disent rejeter l'esprit dogmatique, mais cela dit, quand ils exposent leur position complètement subjective et subjectiviste, ils ont tendance à le dogmatiser quand même, quoi. C'est pas condamné dans la Bible, l'homosexualité, alors on le martèle, il croit que c'est vrai, le gars, mais en fait, il est juste en train de marteler quelque chose de faux. Et le gros problème, là, c'est le subjectivisme, en fait. Le sujet fait son dogme et ça passe comme une lettre à la poste. Ça n'a rien à voir vraiment avec, je veux dire, le fait de s'adapter au progrès qui est technique, en tout cas. Pas, progrès moral, ça, c'est autre chose, mais je pense que pour un progrès moral, il faut au contraire avoir une grosse rigueur catholique très forte, plus qu'un truc où on desserre la ceinture, si j'ose dire, dans tous les sens du terme, quoi. Parce que là, avec ces trucs homosexuels, voire transhumains, etc., on part quand même dans quelque chose d'irréversible. C'est pas la découverte de l'utilisation du feu, là on n'est pas en train de soigner le cancer un peu mieux, on n'invente pas des lunettes de vue, non, là c'est vraiment réinventer l'homme et sans la partie hors naturelle en fait qui l'incarnait, qui a été édifiée par Dieu. Quand ils dogmatisent leur point de vue, ils font la même chose avec l'autorité. Quand nous, on pointe du doigt les modernistes et qu'on leur dit, bon, vous avez des problèmes quand même évidents avec l'autorité, puisque voilà, maintenant le pape, on l'écoute pas. Il n'existe pas, les évêques, ils font ce qu'ils veulent. En fait, chacun fait ce qu'il veut dans la nouvelle église moderniste. Et finalement, le curé, il a peut-être autant de pouvoir que l'évêque et que le pape. Il n'y a plus d'infaillibilité pontificale, d'ailleurs. C'est un truc qui est complètement passé à la trappe. Et eux, ils nous disent, oui, mais non, mais il faut s'adapter, il y a de l'autorité, mais c'est quand même assez souple, etc. Et par contre, quand nous, on dit, non, mais là, par contre, on ne peut pas vous suivre. Vous allez trop loin. Ah non, non, non, non, autorité, autorité, faut obéir. Faut savoir. C'est vraiment la démocratie dans l'Église et la loi du nombre. En fait, donc ce sorcier Mathieu, il a des centaines de milliers d'abonnés ou de gens qui le suivent. Donc, il va avoir plus d'impact réel sur la société, finalement, que les quelques évêques belges qui, là, se sont pliés un peu à ce que disait le père Mathieu. Mais en fait, c'est une vraie démocratie au sein de l'Église où c'est celui qui a le plus, comment dire, qui a le plus gros canal de diffusion, finalement, qui va faire autorité. Donc là, voilà, ils font Pharaon, il est content. Ah, regardez, les évêques, ils disent comme moi, comme je disais il y a 2 ans, tout le monde m'est tombé dessus. Bon, bah maintenant, voilà, les évêques disent comme moi. Voilà, c'est une preuve un peu plus de l'effet de la démocratisation de l'Église. Donc on ne se base pas sur la vérité, on ne se base pas sur les dogmes, on se base sur la pensée du plus grand nombre et surtout sur les émotions, quoi. Donc le fait de dire que la théologie évolue, c'est... comme s'il disait effectivement que les dogmes évoluaient, alors que non, ils sont figés, il n'y a qu'une seule vérité, et bien forcément, on ne peut qu'aller vers du négatif et vers du mauvais, quoi. On peut expliciter les dogmes après, bah comme l'Église l'a fait, enfin, la Vierge Marie, Immaculée Conception, c'est venu après, même si ça a été toujours, voilà, il a été exposé aux hommes de façon universelle, publique, disons. Donc dans ce sens-là, encore ça va, mais c'est quelque chose qui existait déjà, qui était déjà vrai. Et là, vous avez en fait dénoncé les dangers d'Internet, sur lesquels on va revenir de toute façon avec un sujet qui suit. Mais c'est vrai que dans Vatican II, bah, tous ces mots d'œcuménisme, de collégialité et tout ça, qui étaient, je crois, déjà employés dans l'Église, mais qui avaient en fait un sens traditionnaliste, on va dire, dans tous les cas, à chaque fois, un même mot veut dire 2 choses, et eux, ils en ont fait bah, la collégialité. Là, c'est vraiment, on décentralise le pouvoir du pape vers les évêques, et en fait, de plus en plus, c'est limite vers le fidèle et tout ça. Donc même la hiérarchie de l'Église et la vérité, comme tu dis, Dédé, n'est plus respectée. Bah. Effectivement, c'est le dogme, il évolue pas. Par contre, l'Église, elle explicite le dogme. Par exemple, le dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 lors du Concile du Vatican. Celui-là, c'est un vrai concile catholique, comme quoi le pape est infaillible dans telle condition, etc. Quand il expose la doctrine sur la foi et les mœurs en tant que pape, ça a toujours été cru par les catholiques. Mais il a fallu, à ce moment de l'histoire, dans sa divine providence, que le bon Dieu fasse en sorte que ce dogme soit explicité. C'est pas une régression, c'est pas une négation du dogme, au contraire, on l'a explicité. Alors que là, bon, bah, on va vers finalement, en modifiant le dogme, en le libéralisant, on va vers la négation du dogme. Donc c'est un peu le but forcément des modernistes, c'est de vider la foi des fidèles, en tout cas des gens qui ont un peu une notion de Dieu, etc. C'est vraiment désorienté sur une mauvaise voie. Et c'est là où on voit que c'est vraiment des imposteurs, quoi. Une petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs à la base. Alors, je vais grossir vraiment le trait, hein. C'est d'ailleurs à la base ça qui peut expliquer une des différences entre les orthodoxes et les catholiques. C'est, on va dire, une différence de nuance dans la philosophie. Il n'y a pas que le filioque qui va diviser les orthodoxes et les catholiques. mais il y a aussi la façon dont on va appréhender le temps. C'est-à-dire que pour certains orthodoxes, c'est qu'ils se sont dit, un truc qui n'est pas faux d'ailleurs, bon, bah, les personnes qui ont connu le Christ ou qui ont connu les apôtres, c'est très fiable. Donc, on va se fier au premier temps, au premier jugement. Donc, on a un haut degré de fiabilité. Alors qu'à contrario, encore une fois, je grossis vraiment très, que les catholiques vont peut-être avoir une autre philosophie qui correspond très bien à l'esprit européen, qui est en fait le temps est une aide. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on a de connaissances et plus on peut préciser les choses. Ça correspond bien finalement à ce que vient de dire Rex, c'est-à-dire que le dogme, par exemple, de l'infaillibilité pontificale, c'était toujours présent. On a réussi, avec le temps, à avoir plus de détails et de précisions là-dessus. On l'a explicité, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc vous voyez un peu de philosophies qui peuvent être complémentaires d'ailleurs. Et puis je sais pas si vous vous souvenez du sujet quand on avait parlé de Bergoglio François qui disait voilà, ah je sais que ça existe, les traditionalistes ils refusent d'évoluer. Donc les types, le Père Mathieu exactement dans cette même logique de toute façon, soi-disant Père Mathieu. En fait on est des espèces de Pokémon, on reste Salamèche alors qu'eux ils sont Dracaufeu, tu vois. Ils sont dans une logique, c'est encore le progressisme BA, ça, c'est vraiment de l'optimisme de Gogol. Ils baignent tous là-dedans, et Bergoglio le premier, donc finalement, c'est là où on voit qu'ils se ressemblent évidemment tous. Je tiens à préciser que je suis assez fan de l'analogie avec Salamèche et Dracaufeu, je trouve ça magnifique. Ah mais je t'en prie, hein, pour te servir, et puis nous, en fait, on est des dinosaures islamiques, en fait, quoi. C'est presque, on est vu comme ça, quoi. Dès que tu es trop catholique, que tu défends l'idée de croisade, d'inquisition, tu sors déjà des sentiers battus, c'est fini, c'est plus Vatican II. Et eux, ils vont te dire c'était une erreur, il n'aurait pas fallu être comme ça. Ils revoient l'histoire avec la logique qu'ils ont aujourd'hui, ultra-humaniste déconnectée. Enfin, c'est une erreur de 2000 ans, quoi. Vous imaginez la prétention de ces gens, 2000 ans d'erreur, avec les esprits les plus brillants qui ont quand même théorisé là-dessus. 2000 ans d'erreur, et eux, ils arrivent juste après. Oh, en fait, tout le monde s'est planté, et en fait, on avait raison depuis le début, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est à un moment donné, c'est... Comment ça s'est passé ? Est-ce que le Christ, il a fait bon, bah... Je suis Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Ou est-ce qu'il a rajouté ? Et au fait, tout ça, c'est dans 2000 ans. Hein, parce que ce qui va se passer pendant 2000 ans là, tout ça, ça va être que des sottises. La prétention de ces gens, je ne sais pas si le Père Mathieu reçoit beaucoup de médailles de sa hiérarchie par rapport à ce qu'il fait sur Internet. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reçoit aucune réprimande. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'il ne dit mot qu'on sent, mais c'est tellement énorme ce qu'il balance comme ânerie qu'il devrait subir des sanctions. On ne peut pas accepter ça. Et le silence de sa hiérarchie en dit long sur ce qu'elle pense. Tu es Hitler et sur ce Hitler, je bâtirai mon empire. Mais enfin, ça va pas ! En 1933, finalement, on a eu un petit rappel de voilà ce qu'on a fait pendant 2000 ans, c'était pas totalement des erreurs, ça va. Il y a eu un mouvement de restauration, un sursaut à un moment donné. Mais sur ce progressisme. C'est sorti de nulle part. Mais non, mais en fait, c'est vraiment ce progressisme BA, notamment, qu'il faut prendre bien en tête. Et voilà, relisez Alexis Carrel, le progrès avant toute chose, avant même de parler de ce qui est technique, il est d'abord moral, vertueux, et donc ça veut dire qu'on demande aux hommes de faire un effort supplémentaire, et pour apprendre les choses, il faut souffrir, pour être beau, il faut souffrir, pour être... Voilà, donc une cathédrale ne se fait pas comme ça en claquement de doigts, il faut du savoir-faire, il faut des hommes, il faut coordonner tout ça. Voilà, il faut des vikings gaulois... odiniste et tout ça, ouais, il faut plein de trucs. J'empiète un peu sur le dernier sujet, mais c'est vrai qu'on va tellement rigoler que j'ai hâte. Et pour ensuite continuer de canonner un petit peu ce qui suivra avec Vatican IV, parce que le Père Mathieu, voilà, dans 2 ans, il ira un peu plus loin et il nous dira que le transhumanisme, c'est génial. Et à partir de là, voilà, c'est bon. Le transhumanisme, c'est vraiment quelque chose. On sort de la nature humaine, transhumanité. Hein, et c'est vraiment l'idée de... Voilà, on ne fait pas cohabiter la machine et l'homme. C'est... au bout du bout, la machine, on la rentre dans l'homme. Et là, ça aussi, ça pose un problème, hein, parce que c'est des choses irréversibles, on ne sait pas où ça va aller. Tu te fous une clé USB dans le cerveau pour avoir plein de connaissances, mais il y aura des bugs comme avec un Windows, quoi, un PC Windows. Donc voilà, il faut vraiment se préserver de tout ça et bien comprendre où va nous mener tout ce progressisme BA qui à différentes échelles, là, bon, bah voilà, Vatican II, il est un peu plus ringard, mais il va vraiment nous y emmener, je vous préviens. Bah, la machine dans l'homme, le Père Mathieu, il serait pas contre. Hein. Oui, ça ne m'étonnerait pas, ouais, carrément. Ben, si le Père Mathieu se met une clé USB dans la tête, hein, peut-être que ça lui permettra de vraiment trouver dans la Bible les passages qui condamnent l'homosexualité. Ce serait peut-être pas plus mal dans son cas, en fait. C'est vrai que là, ça lui mettrait des bonnes connaissances où voilà, le robot à l'intérieur de lui dirait faux, voilà, tout faux, ça passe pas. Autre point positif avec la machine, c'est que bah, en France, on est contre un peu le George, héritage Georges Bernanos, disons. Et c'est pas plus mal des fois parce que ça nous en préserve, mais les pays comme l'Allemagne, le Japon et tout ça, eux, même les États-Unis sont allés plus vite. Et ça permet, bah, comme le Japon par exemple, de faire en sorte qu'il se passe d'immigration. Au lieu de faire appel à l'immigration, tu fais faire le travail par des robots. Alors, je suis comme tout le monde, hein, moi je préférerais, quand tu vas au supermarché, qu'il y ait un être humain en face de toi, quoi. Mais voilà, pour se sortir d'une mauvaise passe, ça peut être pas mal en fait. Hein, voilà, encore une fois, pour dire à quel point la machine c'est archi neutre et. En fait, on peut s'y accommoder à moins d'être vraiment réac pur. Voilà, nous, on n'est pas des royalistes purs, on est un peu comme la révolution conservatrice allemande, hein, on est fasciste, donc voilà, on peut s'accommoder de choses tant que c'est bien ordonné. En tout cas, moi, j'ai une solution personnelle, vous pouvez me dire si vous adhérez ou pas, pour une solution, en fait, hein, pour ce père Mathieu. Camp de travail, voilà. Camp de travail, triangle rose. Et on mettra avec d'autres un argument de son genre. Peut-être que du coup, ça sera pas forcément une corvée pour lui. Il appréciera. Camp de travail, on lui fera casser des cailloux avec une pioche pendant, je sais pas, peut-être 40 ans. Peut-être que ça le fera réfléchir. Bienvenue au camp de tolérance. Vous êtes ici parce que vous ne tolérez pas que l'on soit différent. Parce que vous refusez d'accepter les choix de vie que d'autres ont pu faire. Un séjour ici changera votre attitude. Ici, vous travaillerez chaque heure de chaque jour et nous vous obligerons à devenir tolérants envers tout le monde. Ici, l'intolérance ne sera pas tolérée. Ah oui, ce sera la nouvelle ligne au Rémus, donc il faut que nos auditeurs s'y attendent. Mais là, on est tellement soucieux du bien commun, en fait, qu'on est en train de se dire « Bon, ces gens sont tellement malfaisants qu'ils travaillent au mal commun. » Ça n'existe même pas, mais ils y travaillent. Et donc, on va un petit peu relancer un petit peu la machine pour que le bien commun voilà, soit un peu plus respecté. Et donc, des gens qui sont inutiles, voire néfastes, se mettront à devenir utiles. En travaillant avec un petit CAP menuiserie, un petit STO menuiserie, voilà, dans les industries allemandes, ça ne leur ferait pas de mal, bien au contraire. Et tout le monde sera content d'ailleurs, un petit peu comme les politiques leur place, ça serait peut-être plus en train de balayer nos chiottes. Vous avez été donc tout d'abord ministre du budget, ensuite ministre de la santé, un court passage à l'intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'agriculture. Ah non, de la culture. Non, de l'agriculture. Ah bon, c'est possible. Ouais. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des logements spacieux et de la réinsertion sociale. Ah, oui, vous avez oublié mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce que là, vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. Quand ils disent qu'il ne faut pas apprendre les dates par cœur ou des choses comme ça, alors que nos écoles, même sous la Troisième République, on le faisait encore, je veux dire, quand tu formes des élèves, ce n'est pas pour que ce soit des gogoles. Ben voilà, ces gens-là, en tant que balayeurs, ils sont vraiment très utiles. Hein. Là, ils ne le sont pas, ils sont néfastes. Oui, ce n'est pas les idées qui manquent. Hein. Lorsque je serai ministre de la Justice, on sera très créatif. Et ce qui est intéressant dans la petite vidéo du sorcier Mathieu, c'est qu'en fait, il dit que tous les capos qui lui ont craché dessus, donc voilà, ça va être quelques youtubeurs catholiques qui lui ont rappelé la vérité, en fait, très charitablement, le père Mathieu, il leur demande de s'excuser parce que maintenant, les évêques sont d'accord avec lui, en fait. C'est vraiment... c'est « Ouais, excusez-vous !» Parce que vous rappelez la vérité, quoi. Oui, bah, t'as raison. Bientôt, on va devoir se confesser d'avoir rappelé la Bible. Excusez-nous, monsieur l'abbé. On a rappelé la Bible. Pardon. Ça ne reproduira plus. Oui, puis même sur son amour sincère et tout, là. Enfin, voilà. Oh, on est gay, mais sincèrement, donc ça passe. Mais non, mais c'est pas la sincérité. Il y a aussi l'objet qui compte. Et là, la direction, l'orientation sexuelle, comme vous dites, c'est voilà, elle est biaisée, elle va dans le mauvais sens. C'est infertile. Et moi, le dernier point que je soulèverais dans ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il dit les catholiques bien pensants étaient contre moi. Alors là, je sais pas, il reprend un peu du Bernanos que j'ai cité précédemment sur la machine, mais là, avec le, voilà, vous savez, il y a l'ouvrage La Grande Peur des Bien-Pensants, mais c'est pour en effet dénoncer la bourgeoisie réactionnaire, mais conforme en fait, celle qui est finalement centriste, qui est toujours régimiste, parce que le seul truc qui compte pour eux, c'est le portefeuille. Et là, le gars nous accuse de bien-pensants, alors que c'est lui qui est complètement dans la tendance actuelle des États dans le monde, Netflix, de machin, l'homophobie, le machin, il est complètement conforme, il est complètement dans la bien-pensance, ce n'est pas du tout nous qui sommes de ce côté-là. Au contraire, nous, on est du mauvais côté du couteau et on se prend au possible toutes les condamnations juridiques, insultes et autres, insultes à Orion. Voilà. Que nous font insulter Orion, faïlala. Le jour viendra où les traîtres paieront, faïlala. Qu'ils freinent donc s'ils osent notre ascension grandiose. Que rythme les hauts tambours des lances que naît. Ouais, on pourrait dire que nous, on est plutôt des tortanques, si le sorcier m'a tué Dracofeu, quoi. Voilà, l'eau contre le feu, apparemment, c'est super efficace, c'est l'ordre naturel qui le dit. En plus, nous, c'est de l'eau bénite. Hydrocanon d'eau bénite. Ah ouais, là, tu peux communier après. Pour moi, ce qui m'a dérangé, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il parle aussi d'histoire de prière. Donc, bien sûr, c'est blasphématoire, c'est horripilant. On a envie de l'étrangler quand on écoute ça, quoi. Comment ça devrait se passer dans la vraie vie? Effectivement, il y aurait une prière à faire. Quel est le message du Christ fondamentalement? C'est pas McDonald's, c'est pas venez comme vous êtes. Le message du Christ, c'est deviens la meilleure version de toi-même, améliore-toi, repens-toi, éloigne-toi du mal, arrête de faire le péché et deviens une bonne personne. C'est une révolution intérieure, un esprit de sacrifice, se rendre meilleur et rendre meilleure la société. Bah oui, il y a un homme nouveau dans le christianisme et c'est le message de saint Paul. Hein. Il faut tuer le vieil homme. Donc le vieil homme, on l'abandonne, on se baptise, on devient chrétien et fidèle en fait. Et s'il n'y a pas ça, en fait, on n'a rien compris à l'évangile, mais vraiment rien du tout. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs de la part de cet énergumène. Mais ça s'en dit long, quoi. C'est-à-dire que, on va dire, on prend l'exemple d'un homosexuel, quelqu'un qui a vraiment des tentations homosexuelles. C'est pas ça qui forme le péché en soi, c'est quelqu'un qui va décider de céder à sa pulsion. Il y a la tentation, d'accord. Par exemple, Dieu peut nous proposer des épreuves, des obstacles, mais il ne va pas nous jeter dans le péché contre notre gré. On a un libre arbitre et on fait les choix. Donc j'ai même envie de dire, par exemple, quelqu'un qui a de base des pulsions homosexuelles et qui y résiste, bah chapeau, c'est encore plus louable qu'une personne normale comme nous qui n'a pas ce genre de problème, quoi. C'est là aussi tout le cœur de la philosophie chrétienne là-dessus, c'est un combat, la vie est un combat. Et finalement, ces gens sont en train de dire, mais vraiment l'exact opposé, c'est ça la fumisterie, c'est il faut se laisser aller, t'as la pulsion, bah limite, tu te laisses aller d'abord, puis en plus, tu l'amplifies, bah, tu cherches carrément la bénédiction de Dieu, mais c'est tout l'inverse. Mais je comprends même pas comment c'est vraiment le cœur, quoi. Si on devrait retenir qu'une seule ligne de l'évangile, ça serait dommage bien sûr d'en retenir qu'une seule ligne, mais il y aurait forcément cette phrase, c'est combat tes propres faiblesses. Et puis enfin le glaive de l'esprit. Un chrétien a une arme offensive. Il ne s'agit pas de trouer les corps, il s'agit de percer les âmes. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que ce glaive de la parole de Dieu est un... Cette parole de Dieu, plus exactement, est un glaive à deux tranchants qui coupe jusqu'au moelle, aux charnières de l'esprit, pneuma, et de la morphée, cette chair et ce sang. Et c'est une arme redoutable quand on sait la manipuler. Et la parole de Dieu, elle est où? Elle est là, dans la Sainte Écriture. Oui, alors que là, il propose de se laisser aller aux passions, en fait. Alors que, comme tu le dis, c'est le premier message de l'Église de dire non, vous ne vous laissez pas aller à vos passions. En fait, la raison doit être au-dessus des émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions, l'imagination ne peuvent pas être de belles choses, mais elles sont dangereuses et moins ordonnées. Donc, il faut un peu soumettre ces émotions qui existent. C'est parce qu'elles existent qu'on arrive à les soumettre et qu'on fait un effort. Et là, lui, il propose, en fait, voilà, n'importe quelle information qui lui plaît, il saute dessus, il le dit, donc c'est du subjectivisme, voilà, relativisme aussi, parce que il fait fi du droit canon, de la Bible, de tout, voilà. Voilà, et, sincère, exactement, relativisme, parce que sincère, qui va vérifier si c'est sincère ou pas? Comment est-ce qu'on peut mesurer la sincérité? Donnez-moi 50 grammes de sincérité, ça veut rien dire, d'accord? Mais la théologie, c'est, à un moment donné, c'est comme un interrupteur, quoi, c'est on ou off. Sincérité, c'est creux, ça veut tout dire et rien dire. Surtout que dans ce cas bien précis, ce qui est condamné, c'est vraiment la pratique, c'est pas l'attirance. Comme tu disais, Bobby, le chrétien, même s'il a des attirances homosexuelles, bah, ça va être sans doute le combat de sa vie, mais en tant que le chrétien est un combattant. Donc il va devoir combattre contre ses attirances pour le transformer en amitié sincère, en camaraderie sincère, etc. Et ne pas tomber dans le péché qui est la pratique. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Et quand le sorcier Matthieu il dit « l'homosexualité n'est pas un péché », eh ben en fait, on peut l'entendre dans l'attirance n'est pas un péché, effectivement, et aussi la pratique est un péché. Et c'est là où forcément les David et Jonathan et compagnie sont très heureux et très contents. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce musée des horreurs et autres farpadingues, mais ouais, voilà où on en est. C'est un peu l'humanité objet, donc qui se laisse aller à ses désirs jusqu'à devenir elle-même un objet grâce au transhumanisme. Voilà, je garde mon fil. Pour la deuxième partie de cette émission, on va parler d'un article qui a été écrit par Riposte Catholique sur les lycées soi-disant catholiques. Donc là, c'est le cas se passe en Bretagne. Apparemment, il y a à peu près 40% des étudiants en Bretagne qui sont scolarisés dans des lycées dits catholiques. Ce qui est intéressant de constater, c'est que voilà, donc le journaliste a pu se déplacer lors des journées portes ouvertes pour un peu essayer de titiller le corps enseignant sur justement ce catholicisme. Vous vous dites lycée catholique, qu'en est-il vraiment? Alors, il s'avère que c'est très peu, très très peu. En fait, en moyenne, c'est même pas 4% des familles qui mettent leurs enfants dans ces établissements catholiques en raison du catholicisme. En fait, ils vont les mettre pour plusieurs raisons, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a différentes options, parce que ça permet d'échapper au lycée public, à l'enseignement public, en tout cas, où c'est rempli de métèques, etc. Ils savent qu'en mettant leurs enfants dans des écoles privées un peu chères, un peu huppées, ça va permettre d'être en petite tête blonde. C'est parce que les gens en ont plein de cul des Arabes! Qu'est-ce que vous en pensez un peu, les gars? Et après, je vais lire quelques extraits de cet article. De manière générale, pour moi, il y a deux façons en France d'échapper à la folie gauchiste. C'est l'école à la maison, on en a déjà parlé, c'est très très bien, c'est vraiment assez top, mais ça coûte cher. C'est ça le souci. Et la deuxième alternative, c'est de mettre ses enfants dans les écoles privées hors contrat. J'insiste sur hors contrat, pas juste école privée, parce que les écoles privées suivent le programme éducatif imposé par l'éducation nationale, alors que les écoles privées hors contrat ont une liberté totale, que ce soit dans les agendas ou même dans les sujets, ou même l'ampleur des sujets qui sont traités. Et il y a des fausses demi-solutions, c'est typiquement ce qu'on est en train de parler en ce moment, ce sont des écoles publiques, des écoles privées soi-disant catholiques, qui ont juste en fait un petit label comme ça catholique, c'est très très peu épais, il suffit de gratter un tout petit peu et ça part, où en fait on leur enseigne le gauchisme, l'égalitarisme, et vite fait, peut-être un cours de religion toutes les 3 semaines, et dans ce cours de religion, on va surtout leur apprendre que toutes les religions se valent, qu'il faut être gentil avec tout le monde, et que les musulmans, ce sont nos amis, alors les juifs, alors j'en parle même pas, les juifs, alors là, faut se prosterner, et au hasard, ce sont nos maîtres, directement. Nos maîtres, voilà. Les 95% des prix Nobel hein, et des gens de science et de savoir de cette planète sont juifs. Bon, écoutez, c'est une qualité naturelle qui nous a été... me contredire, par contre, serait une posture révisionniste. Ah, et vous seriez poursuivi pour cela. Ah, vous n'êtes pas assez bête. Non, j'accepte vos excuses. Alors, voilà. Si. Allez-y, baissez-vous. Voilà. Alors, léchez le sol. Voilà. Alors. Et au hasard, peut-être, sur une heure de cours, ils entendront peut-être une fois ou deux le nom de Jésus, mais pas trop. Parce que si on prononce trop de fois le mot de Jésus, on est intégriste et apparemment, c'est pas bien. Voilà un peu le délire. Il y a des cours un peu de religion. D'ailleurs, ils appellent ça formation humaine. Donc là, c'est obligatoire pour ceux qui sont en 6e et en 5e et c'est genre 1 heure par semaine. Et je vous rassure, hein, cette formation humaine, c'est un peu pour étudier tous les cultes. Donc, en fait, surtout les faux cultes. Hein. Et d'ailleurs, quand ils étudient le culte catholique, en fait, c'est le culte moderniste. Donc ça fait aussi partie des faux cultes. Bonjour, bienvenue dans votre cours de catéchisme. Alors, les 5 piliers de l'islam. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que commencent les cours. Bah, c'est aussi pété que les cours civiques à l'école publique laïque, parce que je sais que ça existait. Je me souviens avoir un peu connu à l'époque où il n'y avait pas encore le délire LGBT, donc ça a dû s'aggraver. Et en fait, on voyait les délires... c'est un peu les délires maçonniques, mais là, c'est ce qu'ils nous font avec des mots un peu plus catholiques conciliaires, quoi. Alors, pour la solution école à la maison, c'est sûr que c'est l'une des meilleures avec l'école hors contrat. Le truc, c'est juste que son enfant ne voit pas d'autres enfants à moins de le faire rencontrer autrement. Il faut avoir du temps pour les parents et les qualités. Bon, après, enseigner un enfant de maternelle, c'est pas hyper... C'est pas hyper poussé, mais quand même. Et aussi le prix de la paperasse, parce qu'ils essayent de limiter un petit peu les choses. Donc en fait, c'est assez coûteux même de faire comme ça. Je sais que des tradis, ça leur est arrivé de mettre leurs enfants, des fois, dans école sous contrat, mais dans un petit coin assez privilégié, comme ça existe parfois. C'est peut-être assez rare, hein, mais ça existe, de conciliaires conservateurs. Donc ça veut dire que c'est moins délirant On va plus voir un peu de catéchisme et des cours à peu près normaux. Mais voilà, là encore, faut bien tomber et chercher. Donc, et si on a moins les moyens pour aller plus loin entre école hors contrat et école à la maison, disons. Mais en tout cas, je vois un lien entre le sujet précédent et sans doute le suivant. C'est quand même la dégénérescence à chaque fois. Hein. On va envoyer les crescendo, mais voilà. Here comes a new challenger. Alors, l'ami Longinus vient d'arriver, donc il a été relayé par Elzinko qui doit maintenant prendre son tour de garde au Mirador. Salut Longinus, comment ça va ? Bonsoir à tous, je vais très bien. Et vous-même, comment allez-vous ? Ça va. Donc là, on est en train de parler des soi-disant écoles catholiques qui n'ont de catholique que le nom, bien sûr. J'ai vu l'article, c'est dans la droite lignée de l'église conciliaire du salut universel, hein. On a des boomers qui viennent faire des cours à des jeunes enfants sur l'humanité. Ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est dans l'article, c'est qu'il y a des parents qui se sont inquiétés et qui voulaient voir en fait ce qui était appris aux enfants. Voilà l'état un petit peu de l'école dite catholique en question, qui ne fait absolument pas d'enseignement catholique, qui normalement devrait faire du prosélytisme, parce que c'est une école catholique, mais elle n'en fait pas. C'est vraiment dans la droite lignée de ce que l'on a avec l'église conciliaire, quoi. Il n'y a plus rien de sacré, c'est juste une sorte de mode. Bah, c'est à l'image des gens, quoi. Ce sont les familles d'élèves qui arrivent et qui disent « Ah, mais vous n'enseignez pas les croisades à mes enfants, hein, j'espère, hein, vous leur enseignez que, voilà, il faut s'insérer des nains de jardin ou je sais pas quoi, quoi, on est là-dedans, quoi. » Ça s'est resté, ça. Ce que je vois, c'est à... Oui, on a désolé Longinus, parce que le premier sujet nous a inspiré cette histoire de nain de jardin. Alors, Longinus, tu disais que tu avais lu l'article, mais est-ce que tu as vu la photo de l'article avec cette grosse boumeuse avec une énorme culotte de cheval? Bah, ça m'a fait penser à Bibendum. Elle aurait pu faire la pub pour les pneus Michelin. Et voilà, c'est en fait déjà, c'est des femmes qui vont enseigner la religion. Déjà, rien que ça, moi je m'arrête. Hein. La place de la femme, c'est à la cuisine! Ah bah de toute façon oui, c'est dans la veine, ça va vraiment avec la féminisation de la société où aujourd'hui ce sont les femmes qui viennent faire la classe, qui viennent faire les cours, qui disent comment les jeunes garçons doivent se comporter, surtout pas de violence, faut parler de l'humanité, la tolérance, l'amour, blablabla, oui c'est tout à fait dans la veine de ça, hein. On n'a plus d'hommes qui disent non, ça suffit. C'est vraiment de la grosse féminisation hein, si j'ose dire, mais je vais vous lire l'extrait par rapport à ce que vous faites référence. Deux animatrices en pastorale conduisent à un atelier qui permet à ceux qui le souhaitent d'approfondir leur foi et de la célébrer. Une palissade sert de support à quelques affiches derrière elle. Des mots colorés attirent le regard. Recevoir, bienveillance, humanité. Donc voilà, donc il n'y a pas de foi, espérance, charité. Il n'y a rien à voir avec le catéchisme, rien à voir avec la foi catholique en fait. C'est lambda, c'est bateau. Bon, allez, sortons un mot. Bon, je dis qu'ils, ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux. Alors, il faut des inviter trous quoi du cul. Des cons. Merci, Chiron. Bon, allez. Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Polak, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est les mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête, ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi bon, du allez, mot. Pas d'un, bon, pas... ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Chiron. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Rex, si tu as quelque chose à dire sur le sujet, sur un peu ces deux boumeuses qui enseignent aux petites têtes blondes qui veulent éviter les noirs et les arabes, ce qui est selon elles la foi. Oui, quand je disais qu'il y avait un lien de toute façon avec la dégénérescence, c'est ça. Hein, c'est de toute façon il y a le féminisme, voilà, le meurtre du père, quoi. L'homme n'est même plus là pour cadrer les enfants. Donc c'est évident que finalement il y a une certaine logique même dans la décadence, c'est que c'est accompagné de faits, voilà, où à l'œil nu. Bon, déjà une femme, comme on dit, en plus de ça, une qui prend pas trop soin, on va dire, de... Voilà, elle est pas fasciste, quoi, hein, sinon elle fera un petit effort quand même pour perdre quelques calories, disons. Et voilà, comme par hasard, les trucs enseignés, c'est des trucs de gonzesse, faut pas être violent, bisous, bisous, machin. Et en plus, ça va avec l'argument de dire... finalement, le féminisme sauve les hommes parce que les hommes sont, sinon sont trop violents. Alors que moi, je trouve qu'entre les hommes et les femmes, ceux qui sont les plus pondérés, ce sont les hommes. En général, les femmes se laissent aller à leurs émotions et quand elles détestent quelqu'un, elles ne le détestent pas à moitié. Toi, quand tu es au travail et que tu n'aimes pas trop un collègue, un chef ou autre, tu arrives à faire un effort voilà, au nom de la profession. En général, les femmes, cette retenue, elle est un petit peu moins marquée. Donc, elles ont une autre forme de violence et, en elles, si l'on veut, qui est plus émotive. Et voilà, c'est zéro pour faire une société, de toute façon. Bon, après, je tiens à préciser, on part du principe dès le début que sur cette photo, on voit deux animatrices, mais qui nous dit que ce sont des femmes, hein? On n'en est pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Ah non. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin, ni féminin, comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. Mais pour revenir à ce qu'on parle de la féminisation de la société, le problème c'est que cette féminisation de la société s'introduit même dans tout ce qui est traditionnel. Hein. C'est là où est le problème. Aussi, c'est qu'on a une énorme émergence des femmes via le matriarcat. Ils essaient de refaire une sorte de matriarcat, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on n'a plus d'hommes qui devraient monter la garde et qui devraient dire non. Alors, ça revient parce que là, la situation le demande. Petit à petit, on a des gens qui commencent à en avoir marre. Mais le problème, effectivement, l'Église catholique, qui normalement était censée représenter les croisades, le code de chevalier aussi en faisait partie, les codes d'honneur, les bonnes mœurs, la force aussi, parce que c'est ça que nous apprend aussi la foi, ça nous apprend à l'abnégation de nous-mêmes et à de plus grandes vertus. Là, c'est juste, l'amour universel, oublier toute la foi, pas de prosélytisme, rien du tout. C'est une catastrophe pour les jeunes hommes. Pour revenir au niveau de l'école aussi, le problème est qu'en France, ils ont, via la loi qui était passée, il me semble que c'était en 2020 ou 2021, ils ont sabordé la possibilité, ou limité très grandement la possibilité de faire l'école à la maison. Alors il n'y avait pas énormément, pas tant de familles que ça, il me semble que c'était que 80 000 ou 60 000 familles qui faisaient l'école à la maison. Et là, c'est devenu encore plus compliqué, parce qu'avant, pour faire l'école à la maison, vous écriviez à votre mère, et c'est tout. Dit voilà, je fais l'école à la maison. Maintenant, il faut que vous écriviez au rectorat de votre département et que ce soit eux qui vous valident. Oui, il me semble qu'il faut aussi pouvoir le justifier parce que l'enfant a un handicap ou quelque chose comme ça. C'est alourdi, quoi. C'est beaucoup plus dur, effectivement. Et on a, moi, je suis ça. Je sais qu'on suivait ça un petit peu en France. On était dans des groupes de familles qui font l'école à la maison. Ils ont dit les inspecteurs sont devenus des horreurs. C'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, l'enfant lit trop lentement. Oh, il ne veut pas répondre à mes questions parce qu'il y a des enfants qui sont timides, c'est comme ça. Hein. Faut qu'il aille à l'école. On peut revenir d'ailleurs sur le cas que je vous avais partagé, le cas d'une famille à Tarbes. Alors, je ne sais pas si c'était catho-tradi, mais peut-être, des Blancs, très sûrement, vu que le mari travaille dans l'aéronautique. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Qui ont voulu faire l'école à la maison, qui avaient dit aux... Attends, t'es en train d'insinuer que les Noirs ne peuvent pas travailler dans l'aéronautique, là? Non, généralement, ça se passe très mal. Bah si, il y a Troposphère 5, Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite, je crois que vous avez vécu avec nous. Oui, dans le cas de l'aéronautique, les préjugés sauveraient la vie. Hein. J'aurais pas confiance de monter dans un avion monté par des Noirs ou des Arabes. Hein. Moi je descends, franchement. Je porte même pas, je regarde de loin. Tu imagines les voir prendre le kérosène pour mettre dans l'avion? Ok, moi je m'en vais à 5 km. J'ai vu une vidéo terrifiante, on déborde un peu, c'est vraiment une parenthèse, d'une femme qui était morte de rire, c'est une musulmane, parce que son oncle était dans l'avion et il se sentait obligé de faire la prière durant le vol. Et donc il sort de son siège, il se met à l'arrière de l'avion, il déploie son tapis, ce qui est déjà éteint. Bon, tu vois ça déjà, si tu repenses en septembre et tout, tu te dis, bon, c'est louche, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Et le mec, il commence à gueuler, Allahu Akbar, mais tu sais, il était dans son trip, quoi. Et j'imagine la tête de tous les passagers à ce moment, ils ont dû se dire, ok, on va y passer, quoi, on va y passer. Ouais, mais au moins, il a gagné ses hsenet, et Allah lui construit des maisons au paradis, tu vois. Ouais, comme ça, il prend ses 72 vierges. Et le pire, c'est que personne n'a rien dit, donc le mec, il a fait son numéro, il est retourné s'asseoir, et je suis sûr qu'il a eu aucun problème. C'est vraiment compliqué de prier tourné vers la Mecque dans un avion. T'imagines qu'à chaque fois, tu dois recalculer l'angle toutes les deux prières tac, tac, tac. Ah mince, là, c'est pas le bon degré, je dois refaire la prière, vite. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, on a nos attention, on ne dit pas moutons, on a parlé d'islam, ouais, on parle de moutons. Pour revenir à l'école, sur ce que je voulais dire par rapport à ce que l'avocat, ce que je vous ai montré, l'extrait. Donc en gros, les parents ont voulu faire l'école à maison, l'aide à la petite enfance leur a dit non, il faut l'envoyer à l'école. Les parents ont dit non, mais nos enfants sont petits, on veut les garder. Ce qui est normal, c'est un réflexe sain. La mère veut rester à la maison, le père a un salaire qui justifie largement ça, la mère veut rester avec les petits, ce qui est tout à fait sain. Surtout quand on voit la société actuelle, c'est une réaction tout à fait saine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics, la petite enfance a dit non, ils ont débarqué à 6h du matin avec les flics, ils ont défoncé la porte, ils ont tasé la mère, ils ont sédaté le père et ils ont pris les enfants. Donc les parents, quand ils ont vu ça, m'ont dit bon, bah, d'accord, bah, on va les mettre à l'école. Mais non, non, les enfants l'ont été pris. Donc ils se battent maintenant avec un avocat. Il faut regarder, ça s'est passé à Tarbes. Il me semble qu'à Tarbes, il y a la fraternité Saint-Pédicile. Là-bas, il y a des tradis. Donc vous imaginez à quel point l'État va loin quand il s'agit de vraiment de vous forcer à faire quelque chose. Je veux dire, c'est complètement dingue. Et les flics qui font ça, honte à eux. Mais écoute, ces flics-là, ils iront dans le camp de travail hein, avec le sorcier Mathieu et voilà. Ouais, très clairement, très clairement. Ouais, et d'autres, effectivement. C'est simple, ce qu'on veut, nous, c'est vivre librement sur cette terre. Les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie et les Juifs en prison. Voilà, au-dessus, c'est le soleil. Donc pour en revenir à notre sujet, donc il y a certains Bretons qui essaient de contourner la carte scolaire en mettant leurs enfants dans des écoles dites catholiques. Et donc là, vous dites, ouais, mais c'est génial, je préserve mon enfant des méthèdes en mettant dans cette école catholique. Mais en fait, non, parce que ces lycées catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, je vous lis un petit extrait. Les lycéens assistent à des temps obligatoires à portée œcuménique. Donc là, ça commence mal. Durant l'année scolaire. Ces débats les invitent à la tolérance et au respect de l'autre. Comme lors de la conférence entre l'imam Mehend Hedadaden et l'évêque Denis Moutel. Bon, j'imagine que le Mehend Hedadaden, c'était le même musulman qui a prié dans l'avion, tu vois, je pense que c'était le même. Et bien, vous voulez préserver votre petite tête blonde des têtes crépues, et bien non, il y a le chef en personne des têtes crépues qui vient faire sa propagande dans ces écoles catholiques, quoi. Bah en fait, c'est l'évangile est secondaire là-dedans. Hein. On voit bien qu'ils étudient en fait des entre guillemets valeurs humaines 2.0 toutes pourries. Donc voilà, c'est fini l'éducation noble, comme on disait. On voit bien que ce sont deux hippopotames boumeuses là avec des gros jeans dégueulasses. Enfin, rien que l'allure, voilà. Si on l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Donc voilà, là l'habit, voilà, il fait peut-être pas la grosse vache, mais enfin, on sent que ça va pas quoi. On n'est pas dans l'éducation noble là, on n'est pas dans les humanités de Charlemagne. Rétabli dans ces écoles et tout. Hein. On est vraiment à des années-lumière, c'est évident. Non, mais c'est vide en fait, t'as plus rien. C'est vraiment la religion catholique vidée de tout son sens. C'est même plus une religion, il n'y a plus rien. Le journaliste d'ailleurs qui rédige l'article a un petit côté troll parce qu'il dit la seule chose sacrée en ces lieux, c'est une petite chapelle qui leur reste. Quoi. En fait, il y a une petite chapelle qui doit être mignonne et jolie. Et, enfin, tu peux y prier, quoi, sans doute, mais alors tout le reste, ouais, c'est rien de catholique. Quoi. C'est-à-dire que même le journaliste en lui-même se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair, ouais. c'est vrai en plus. Je ne sais même pas s'il y a une chapelle, parce que je crois que dans l'article, ils ont fait une référence à une statue de la Sainte Vierge. Et effectivement, tu vois une photo où en fait, la statue est complètement délabrée. Elle est cassée, cette statue. Elle est à part. Et il y a même une sorte de petite bâche dessus pour dire non, mais même ça, c'est déjà trop en fait. C'est lunaire, ouais, c'est genre même là, c'est oula, c'est trop catholique, veuillez l'enlever s'il vous plaît. Et d'ailleurs, pardon, je m'excuse. Ce n'est pas le catéchisme qui est obligatoire dans ce que cité Dédé, là, c'est carrément les réunions œcuméniques, elles sont obligatoires comme le pass sanitaire, le vaccin et tout, quoi. Là, c'est obligatoire, il n'y a pas de souci, hein. On impose. Hein, mais surtout, vous imaginez, les gars, donc, le débat entre cet imam et l'évêque, enfin, si on peut appeler ça un débat, je sais pas, moi je vous parie tout ce que vous voulez. Que l'imam, mais jamais il a cédé quoi que ce soit sur l'islam, alors que l'évêque, là, il devait être tout soumis. Ah oui, c'est fantastique. Ah oui, bah effectivement, il y a Saint Jean-Baptiste dans le Coran, c'est beau, blablabla. Enfin, vraiment, toutes les années. Comme d'habitude, c'est toujours les autres qui se couchent et les musulmans, ils restent sur leur position, bien sûr. Ils sont en train de gagner petit à petit. Bien sûr, il n'a pas besoin de bouger. Hein. L'œcuménisme, en fait, professé par la fausse église catholique, porte atteinte en premier lieu à elle-même. La réforme liturgique est très dangereuse. Sans doute, elle a été faite avec une bonne intention, se rapprocher des protestants. Mais quels sont ceux qui ont fait les frais de ce rapprochement? Est-ce que ce sont les protestants qui sont devenus très proches des catholiques, qui ont presque accepté le sacrifice, qui ont accepté la présence réelle, Ou est-ce que ce sont les catholiques qui ont fini par accepter un repas à la place du sacrifice, un banquet, une eucharistie, un partage du pain? Est-ce que ce ne sont pas les catholiques qui finissent par abandonner le respect et l'adoration de la Sainte Eucharistie et qui finissent par traiter l'Eucharistie comme un simple souvenir, un mémorial de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ? Je pense que ce sont les catholiques qui ont perdu à cet œcuménisme de la messe et non pas les protestants qui ont gagné, malheureusement. C'était une phrase de Mgr Lefebvre qui avait enseigné pendant pas mal d'années au Sénégal et qui avait dit à propos des musulmans, les musulmans, leur doctrine, c'est simple, c'est baiser la main que je ne saurais mordre. Voilà. Donc en fait, ils ne peuvent pas encore la mordre, la main, ils battent des cils, et lorsque les temps changeront, peut-être qu'ils pourront la mordre. C'est ça, c'est le, comment on appelle, le, quand ils peuvent se camoufler, comment ils appellent ça déjà? La tahria. La tahria, voilà, exactement, c'est exactement ça. Ce ne seront jamais nos amis, ils n'ont rien à faire ici d'ailleurs, et encore moins dans une école dite catholique, mais apparemment, on lit pas la même, on n'a pas lu la même Bible, on n'a pas dû lire, avoir les mêmes cours d'histoire, ni rien. Ces gens-là sont complètement tarés. C'est honte, honte à ces femmes. Moi, j'ai déjà vu dans d'autres régions de France où il y a les écoles emmènent les enfants dans une mosquée. Non, mais on en revient à une des racines du mal du modernisme. On est complètement dedans, l'égalitarisme. C'est, encore une fois, on répète l'erreur de Pilate. Pilate qui propose de mettre sur le même plan Barabbas et le Christ, donc ils proposent de mettre sur le même plan l'erreur et la vérité. Ben là, on fait des conférences avec un imam et un évêque. Alors, évêque, avec des guillemets, mais vous voyez un peu l'esprit, quoi. Il y a pas de. On ne peut pas se dire, ils ont un petit peu raison. Ils ont raison s'ils disent Dieu existe. On va tomber d'accord là-dessus. Mais sur tout le reste, ça ne vole pas haut. Puis en plus, ce que j'aime pas, c'est. J'imagine que c'est des musulmans qui essayent de se faire bien voir par rapport aux chrétiens. Et qui, j'imagine, en suis sûr à 1 milliard de % que l'imam, pendant sa conférence, il ne s'est pas privé de dire devant les élèves que l'islam n'est pas tant éloigné que ça du christianisme, parce que chez nous, Wallah, Issa, donc Jésus, Wallah, Issa pour nous, c'est un prophète Wallah, tu vois. Donc on le respecte et tout. Ouais, c'est un prophète, c'est tout ce qu'il est chez vous. En disant ça, d'ailleurs, vous êtes en train de dire que pour vous, le Christ, c'est pas Dieu, c'est pas le fils de Dieu. C'est la plus grande injure qu'on puisse faire. Bah après, pour remettre un petit peu de virilité, hein, comme on disait, là, elle est complètement absente. Bah dans la politique, il y a un peu deux conceptions. On les retrouve d'ailleurs chez nos auteurs de philosophie politique, où il y a la politique de coopération. On entend parler plus chez Aristote et Hegel. C'est-à-dire que la coopération, c'est pas forcément un truc de gonzesse, quoi. Il y a une version plus virile, si l'on veut. Et sinon, la politique est vue plus comme domination chez Platon, chez Machiavel. Machiavel, là aussi, penseur de la Renaissance, qui a influencé Mussolini. Et en effet, là, voilà, au moins, là-dedans, on n'est pas dans des théories à 2,50 balles, conspi 3000 ou de trucs de gonzesse qui ne servent à rien. Voilà, ça parle vraiment de rapports humains et sociétaux réels. D'ailleurs, la géopolitique, à l'université, même actuellement, c'est pour vous dire, il y a zéro femme. En fait, elles sont. La politique internationale, c'est une conception qui leur touche même pas l'esprit, quoi. Ça les effleure même pas. Elles sont complètement absentes. Il y a des métiers comme ça où il y a. Autant le marketing, il y a plein de bonnes femmes. Cuisine ! Autant même développeurs, il y en a un peu plus, mais ça reste quand même assez masculin. Et voilà, vous avez quand même des zones où, voilà, au contraire, il y a de la logique mathématique ou des choses comme ça, ça les rend plus absentes. On voit bien que. On n'est pas poussé vers la même chose. Et puis le devoir d'État, là, n'a rien de chrétien, puisque c'est quand même du Dieu, travail, famille, patrie, grosso modo, hein, si on résume. Et voilà, donc vivement le fait de rétablir une nation armée, disons, hein, pour pas trop choquer, on va dire. Oui, mais la place des femmes, en général, c'est d'être à la maison, avec de tout d'abord s'occuper des enfants quand ils sont en bas âge. Et qui a envie de nos jours envoyer sa femme travailler quand on voit ce qui est devenu le monde du travail, en général ce qu'est la société? Elle peut se faire violer à tout coin de rue, quasiment. Voilà où on en est rendu en plus. Donc non, c'est leur place n'est certainement pas là. Oui, mais grâce au Rome 19, tu peux travailler chez toi maintenant. Pas tout le monde peut travailler de la maison, mais effectivement, pour ceux qui sont dans le domaine de l'informatique ou d'autres domaines marketing, etc., etc., c'est devenu bien plus pratique. Effectivement, ouais, tu peux travailler de la maison. Ça, c'est bien. C'est comme quoi, au moins, le rhume 19 est une bonne chose. C'est vrai que les féministes, elles ne se rendent pas compte qu'avant, elles étaient l'aide de leur mari, et maintenant, elles sont devenues vraiment les esclaves des patrons, quoi. Elles ont, enfin, Et ça, je sais pas, les féminismes ne s'en rendent pas compte, quoi. C'est vraiment aberrant. Ouais, je suis une femme libre, je suis caissière à Auchan. J'ai rien contre les caissières à Auchan, mais du coup, t'es pas une femme libre, quoi. T'es juste une esclave. Je lisais un article là-dessus sur une nana, une néo-féministe qui se plaignait parce que son mec, apparemment, il l'aidait pas trop dans les tâches ménagères et tout. Elle disait, oui, bah alors, du coup, j'avais pas pris conscience de ça. Et depuis MeToo, j'ai pris conscience de plein de choses. Je suis devenue féministe, c'est pour ça que je suis devenue célibataire il y a quelques mois et tout, parce que j'en avais marre que mes tâches ménagères soient pas divisées strictement par deux, alors qu'apparemment, elle travaillait pas et que son mari travaillait. L'article finissait comme ça. Et du coup, la conclusion qui s'impose, c'est que bah, maintenant, c'est encore pire pour elle. Maintenant, elle fait tout toute seule, quoi. C'est encore si débile, en fait. C'est ça, elle a tout perdu, mais elle est libre. C'est bon, ouais, c'est marrant, hein, parce que le bonhomme, du coup, il se barre, alors qu'en plus, naturellement, elles sont quand même faites pour... Cuisine ! Nous, limite, même à l'échelle d'une maison, on n'a pas trop conscience du moindre détail. On voit les choses à l'extérieur, plus sommairement, des fois. Donc, elles vont se jeter de « Ah, il y a ça à faire, il y a ça. » Pour toi, c'est même pas à faire dans ta tête, c'est même pas un sujet. Donc, c'est évident que... Les articles féministes, c'est la tendance aujourd'hui d'ailleurs de parler des tâches ménagères, de machin, de dire que c'est toujours déséquilibré. Bah ouais, mais ça le sera toujours en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. On n'est pas fait pareil. Charge mentale. Exactement. Devoir supporter une femme qui parle, pour moi, je trouve que c'est une énorme charge mentale. Ouais, c'est vrai. Et même les voix qu'ils utilisent dans les stations de RER, les trucs comme ça, ils mettent des voix de femmes souvent. Ils devraient mettre des voix d'hommes. Ça fatigue un peu moins, surtout en fin de journée. Moi, mon GPS, j'ai changé la voix. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, quand tu mets une voix d'homme, il se trompe moins. Ouais. Ah, t'arrives à faire les créneaux plus facilement. Ah, j'aime bien ces bonnes blagues, bien grasses, tu vois. On dirait l'épisode, c'est quand Soral, il faisait les commentaires de la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde féminine. La récupération au pressing, j'ai vu un monde du monde. Alors le pressing, c'est... Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle aille chercher les fringues chez le teinturier. Tu vois que c'est à force de mettre des talons aiguilles, des trucs comme ça, qu'elles ont le pied insensible, quoi. Ah, allez, mettez-le, putain. C'est des handicapés de la jambe, hein. C'est incroyable, vaut mieux qu'elle fasse des claquettes ou du French cancan. Ah, nul. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? En fait, c'est l'équipe qui va gagner, c'est celle qui joue la moins mal, quoi. C'est la Coupe du Monde de quoi? Ouais, de foot féminin, des filles qui tapent dans un ballon, enfin... Mais quelle est cette idée saugrenue? Je sais pas si on en avait déjà parlé sur Oremus, effectivement, du foot féminin, mais en gros, l'équipe nationale féminine se fait quasiment toujours battre à plate couture, genre 21-2, à deux buts, ou 21-0, par des équipes de gamins qui ont 7-8 ans du fin fond de la France, quoi. C'est, ou de leur bled, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, quand ils tombent sur des ados dans les terrains de foot quelconques, quoi, ça arrive. Alors, je peux en parler de ce truc-là, parce que je connais très très bien ce sport, je suis assez fan. Et vous savez, il y a toujours des femmes qui sont toujours là pour dire « Oui, mais c'est pas ce que vous croyez, et puis de toute façon, les femmes, maintenant, elles sont devenues professionnelles, elles jouent aussi bien que les hommes », ce qui est une débilité profonde, hein. Il suffit de la voir, la différence de vitesse entre les hommes et les femmes, il n'y a pas photo, quoi. Moi, je suis un joueur moyen, quoi. Après, moi, j'ai une formation plus de gardien, donc forcément, ça compte moins que les joueurs de champ. Mais je veux dire, je suis un joueur de champ moyen. Vous me mettez dans n'importe quelle équipe de gonzesse, même l'équipe de France, hein, mon ami. Franchement, je pense que je fais un meilleur taf, quoi. Il n'y a qu'à voir tous les trans qui ont été dans les compétitions et qui explosent les records des femmes. Voilà, rien que déjà ça, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout ça pour dire, en fait, on peut mesurer cette histoire de différence de niveau entre les hommes et les femmes dans le football. C'est très simple. Le recrutement pour les hommes qui veulent devenir pros, si on leur demande déjà des bases, s'ils n'ont pas les bases, en fait, il n'y a même pas de débat. Deux bases qui sont très importantes, c'est le mauvais pied n'existe pas. C'est-à-dire que vous devez être capable de contrôler, de faire des passes et de faire des frappes, aussi bien avec votre mauvais pied qu'avec votre bon pied. Déjà, moi, ça, c'est réglé. Moi, je suis gaucher à 100%. C'était déjà cuit. Vous regardez les femmes professionnelles, elles ont toujours un pied faible. Alors que chez les hommes professionnels, ça n'existe presque pas. La différence est des fois extrêmement difficile à voir. Donc il y a même un élément tangible pour comparer. Et l'autre élément, paraît très, très, très facile à constater, c'est lever la tête. C'est simple, vous regardez les joueurs pro-hommes, ils lèvent tous la tête quand ils font, quand ils reçoivent une balle, quand ils font la passe, quand ils tirent. Ouais, parce qu'ils ont besoin de l'environnement, en fait, c'est ça? Bien sûr. C'est un jeu collectif, donc faut que t'es... si t'as pas ça, en fait, c'est vraiment la base. Après, on regarde si tu sais en plus faire une excellente accélération, bien dribbler, tout ça. Mais si t'as pas ça, on regarde même pas le dossier, quoi. Et moi, ça va, de lever la tête, ça c'est bon. Chez les femmes, elles lèvent pas la tête. Elles regardent leur godasse, voilà. Donc après, avant de faire un centre, qu'est-ce qu'elles font? Là, elles lèvent la tête. Elles ont perdu la fameuse demi-seconde qui fait que le sport, quand tu le regardes, bah, il devient mou, voilà. Les hommes n'ont pas cette faiblesse. Ouais, mais en même temps, une gonzesse qui regarde ses chaussures, c'est normal, quoi. Enfin, elles font que ça, tu vois. Ah, est-ce qu'elle est bien belle? Est-ce qu'elle est propre? Elle se dit, tiens, j'achèterai pas une nouvelle paire. Est-ce qu'elle va cadrer? Eh non. Eh non. Non, c'est... en fait, c'est une forme de handisport, quoi. Et pour en revenir où on en était, c'est simplement que les femmes n'ont pas à vouloir être l'égale de l'homme. Nous ne sommes pas égaux. Nous avons des fonctions différentes. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Ce que le modernisme, disons modernisme, et la féministe essayent de prouver le contraire, alors que c'est totalement faux. On n'est pas fait pour faire la même chose. On a deux rôles différents. Puis on a tout à perdre tous les deux quand il n'est pas respecté. Après, un autre truc qu'on pourrait dénoncer, donc avec cette école dégénérée comme tant d'autres dans les lycées publics et sous contrat, comme on disait, c'est un peu ce... un humanisme qui a dégénéré là aussi, puisque bon, il naît en cadre chrétien, on connaît l'humanisme politique de saint Thomas d'Aquin, et après de l'humanisme qui arrive au XVIIIe siècle, plus avec les cercles maçonniques, où il devient déconnecté, assez abstrait, et bon, toujours éducatif, il agit toujours dans ce cercle-là, sauf que là on n'est plus dans le meilleur du gréco-romain, de l'indo-européen et tout ça, on est vraiment sorti du cadre, et ces dames-là continuent évidemment... cette lignée-là, ce combat-là qui a été perdu, bon, en effet, par les fascistes, par les Vendéens, tous ces hommes ont lutté finalement pour une conception saine et normale du surnaturel et du naturel, d'une société chrétienne, européenne, blanche, etc. Et voilà, face à ça, d'ailleurs, il y a pas mal de néo-païens qui malheureusement détestent l'universel en tant que tel. Alors que, bon, ça c'est un universalisme hypertrophié et complètement dégénéré. Là, par contre, où l'universel peut pas être nié, par exemple, un coucher de soleil, quelle que soit ta race, tu vas le trouver beau, quoi. Donc évidemment, ça n'a aucune incidence sur la préservation de notre peuple, donc on s'en fout. Mais voilà, faut pas avoir une universalophobie débile face à ces grosses vaches déglinguées qui comprennent rien à rien et qui nous fait de l'humanisme à deux balles, quoi. Il y a un vrai humanisme qui est éducation supérieure pour un homme supérieur en droite lignée de nos traditions françaises, européennes, gréco-latines et tout ça, quoi. Donc voilà, même vous avez d'ailleurs les règles de la bienséance chrétienne de Saint-Jean-Baptiste de La Salle qui peuvent être lues en cette... c'est quand même une société qui connaissait à ce moment-là les bons usages, quoi, comment vraiment se comporter entre amis, avec la famille, au boulot, avec ses supérieurs, avec un soldat, un prêtre. Comment tu réagis, en fait, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, quoi, et pas seulement ce que tu dis. Ce que tu dis, tu le vis, tu le fais, c'est parce que tu le fais que ça vaut quelque chose et qu'on le constate, que tu as une certaine exemplarité et que ça influence le reste et que c'est positif, ça va avoir le bien commun et pas des trucs être gentil avec Mamadou parce que je sais pas quoi, tu vois, ça on s'en fout. Mais c'est le souci qu'on a, c'est qu'on d'une, on n'a plus d'éducation dite classique, ce qu'avait expliqué Arnaud Ipinski, que toute l'éducation classique a été jetée et qu'on l'a remplacée par un nouveau type d'éducation qui est fait pour détruire les intelligences. Donc je suis sûr que dans cette école catholique, je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est le grec ni le latin, quasiment. Et en plus, on ne leur apprend plus à haïr le mal. C'est ça qui est très grave. On dit qu'il faut tolérer tout. On n'apprend plus aux gens à haïr le mal. Nous, en tant que catholiques, nous haïssons le mal. C'est ça, il est permis librement de le haïr pour le coup, et comme tu dis, tu le soulignes en filigrane, l'honnête homme est un homme de principe, et d'ailleurs ce démocratisme débile qu'elles appliquent, hein, est condamné par le Christ dans ses propos quand il dit « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi » dans l'évangile. C'est une condamnation en règle de la démocratie élective, quoi. Il y en a une et c'est dans l'évangile. Rassure, en Genus, dans l'école publique, on leur apprend à haïr le mal. M-A, accent circonflexe, L-E. Oui, c'est ça, oui. Le mal ou le blanc et l'histoire du pays dans lequel ils sont aussi. Et le national-socialisme. Et bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr. Bienvenue dans votre cinquième leçon sur la Shoah, tiens, pour changer. Voilà. La cinquième de la journée, je précise. Hein. Bah oui, c'est comme les fruits et légumes, 5 fois par jour. Pour en revenir là, notre petit lycée catholique avec la grosse vache qui ne fait pas de foot, elle, c'est sûr, elle en fait pas, elle devrait peut-être s'y mettre, tu vois plutôt, voilà. Ouais, elle a un gabarit, elle fait du rugby. Il y a une chose aussi qu'on a perdu dans le système scolaire, c'est qu'on fait que de la théorie aux gamins. Ce que les enfants ont besoin le plus, c'est d'être dehors et de faire de la pratique. C'est comme ça que fonctionnaient nos ancêtres. C'est comme ça qu'on a eu toute la société que nous avons eue. Les enfants. Ah, je suis à moitié d'accord, parce que quand t'as ton sixième cours de Shoah, tu vas à Auschwitz. Donc là, c'est un Puis comble de malchance, les nazis prirent le pouvoir en massacrant mes frères. Gardez bien, mes enfants, le mot Shoah en vos mémoires, et la leçon sera entière. Bah, il paraît que la Auschwitz c'est devenu Disneyland, quoi, le truc. Oui, ça... à une époque, ils voulaient même faire le musée de la saucisse ou un truc comme ça, mais c'est pas passé. Bah, apparemment, il y a un truc de BDSM, de sadomasochiste, pas loin. Non, ça, c'est à Berlin que tu parles, le mémorial de la Shoah à Berlin. C'est un lieu de rendez-vous, selon Soral, de rencontres homosexuelles. Du sorcier Mathieu, du coup, c'est ça? Non, non, à côté d'Auschwitz. Non, alors, c'est pas Auschwitz, c'était le mémorial de la Shoah, tu vois, pardon. Alors, t'as peut-être raison. Je pensais que c'était à côté d'un camp de concentration. T'aurais été cocasse, quand même. Bah, écoute, vu qu'on veut mettre le père Mathieu, justement, dans un camp de travail, peut-être qu'il pourrait aller faire un tour au mémorial de la Shoah à Berlin, puis retrouver des amis à lui. Je suis sûr que le père Mathieu, il va adorer les douches. Bah, c'est, en plus, ça leur porte atteinte, hein, un peu ce que vous dites sur un musée de la Shoah et tout. Bah, c'est qu'on crée une telle société du loisir et du spectacle que, bah, à un moment donné, on a envie de rire de tout. Et là, évidemment, comme il y a toujours un sacré dans une société, et là, c'est évidemment la Shoah, le seul sacré qui reste parce que tout le reste est désacralisé. Bah, en effet, on est tenté un petit peu de rire de ça. Alors, bon, ça, publiquement, il y en a qui ont essayé, c'est Dieudonné, mais ça passe très mal. Mais voilà, finalement, c'est un peu dans la droite lignée de notre société, finalement. Alors, c'est une news, justement, qui c'est du direct. Hein. Apparemment, Dieudonné s'est rendu à Auschwitz avec Francis Lalanne. Et il a fait une prière, je sais pas quoi, dans le camp. Et en fait, il a pris soin de ramener le chapeau de Robert Forisson qu'il a mis sur sa tête durant la prière. Donc là, c'est quand même une belle quenelle, quoi. Oui, oui, il s'est bien moqué d'eux. C'est du troll multigalactique, là, c'est sûr. C'est du direct, alors franchement, on peut pas plus frais. Hein. Là, effectivement, c'est génial. Bravo. Là, bravo. Et bah, c'est pas le bouffon du roi, c'est le bouffon des juifs, comme les juifs dominent. Bon, bah... Ah, mais sauf qu'eux n'ont pas le sens de l'humour. Ah si, quand ils le font eux-mêmes, ça s'appelle l'humour juif, mais c'est eux-mêmes qui... Et c'est très particulier comme humour. À ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors, et qu'est-ce donc ? À ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Oui, bah après, ils disent ce qu'ils pensent, hein, donc finalement... D'ailleurs, je soupçonne les métèques en général de faire des blagues pourries sur ce qu'ils sont. Jamel Comedy Club, les Maghrébins ou même les Asiatiques là, qui disent « Ah, on est les seuls à savoir ce qu'il y a dans notre nourriture, machin ». Donc les métèques, dans leur humour, en fait, ils se dénoncent eux-mêmes, hein, j'ai l'impression. Donc, chers amis auditeurs, si vous souhaitez préserver vos enfants, tournez-vous plutôt vers les écoles catholiques hors contrat, rapprochez-vous de vos paroisses dites traditionnalistes, hein, en tout cas qui essaient vraiment d'être catholiques, pour savoir où scolariser vos enfants. Et parfois, il y a une barrière financière, c'est une réalité. Rencontrez les directeurs de ces écoles pour vous arranger, parce qu'il y a toujours manière de s'arranger avec des bourses, avec de l'aide, etc. etc. Voilà, pour l'avenir de nos enfants blancs, il faut qu'ils reçoivent une bonne éducation, donc une bonne éducation catholique, parce que le but premier, c'est quand même qu'ils deviennent des bons chrétiens. Tout de suite, une petite pause musicale bien zinzin, et on reprend après. Lie down on the floor and keep calm. You got to pass that food, baby. You got to pass. You got to baby. You got to pass that food, baby. You got to pass. You got to pass food, baby. You got to pass that food, baby. You got to pass. You got to baby. You got to pass. You got to pass. You got to pass. You got to pass. un internaute qui nous envoyait une petite question sur Odyssée. Juste un petit message pour vous féliciter pour votre émission. Je l'écoute tous les mois sans exception. Bah écoute, merci à toi. Hein. Je comprends parfaitement votre amertume envers l'imbuvable doctrine moderniste. J'ai 17 ans, je suis un ancien moderniste moi-même, mais je suis retourné à la tradition après l'enfance, lorsque j'étais assez grand, pour en comprendre les failles. Je voulais vous demander, donc là la question elle arrive, si vous aussi, vous avez l'impression que le féminisme, en plus du gauchisme, a complètement pris racine dans les consciences des modernistes. Chez les modernos, parmi les quelques jeunes femmes que j'ai croisées, j'en ai vu beaucoup qui étaient chrétiennes, uniquement en apparence. Elles veulent avoir plusieurs amoureux, ne surtout pas fonder de famille, commander dans le couple, et j'en passe. Et bien sûr, elles relativisent tout ça sans scrupule. Je suis bien content d'avoir quitté ce milieu toxique. Merci pour votre podcast, il est excellent et les montages sont très drôles. Eh bien écoute, merci cher Max de nous avoir envoyé ce message. Je vais laisser mes camarades te répondre. Ouais, Max Planck, son pseudo, très bien choisi d'ailleurs. Par qu'il est, je crois qu'il était protestant, Max Planck. Mais bon, c'est un chrétien scientifique de renommée internationale, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait un peu raccord avec ce qu'on disait juste avant. Je pense avoir vu un peu de ces travers dans la tradition. Alors c'est beaucoup moins présent dans la tradition, en tout cas chez les modernistes. Les modernistes, c'est quoi? En fait, c'est des gens du monde lambda qui sont chrétiens à la marge. C'est un peu comme le journal de la Croix. Le journal de la Croix, c'est pas un journal chrétien de gauche. C'est un journal de gauche, et vite fait, de temps en temps, il est chrétien. C'est comme ça que je vois les modernistes, quoi. D'ailleurs, moi, les modernistes, les protestants, c'est un peu le même délire. Ou même les athées, hein. Franchement, je vois de moins en moins de différence entre tous ces groupes. Donc, je suis pas étonné que le féminisme ait pris racine, comme tu dis, cher Max, chez les modernistes. Parce qu'en fait, la société est malheureusement comme ça. Et de toute manière, personne n'a prétendu que le péché s'arrêtait aux portes des chapelles, par exemple. Malheureusement, on aimerait bien, ça serait plus simple comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, comme tu dis, Vatican II a voulu se moderniser, mais en fait, il a modernisé le message et il s'est conformé à l'esprit du monde, à l'esprit actuel du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, forcément, il soutient tous les avatars dégénérés dont on a parlé avec féminisme, antiracisme, antisémitisme et tout ça. D'ailleurs, c'est dans l'autre ordre, si on part de haut en bas, l'antisémitisme est le plus important, l'antiracisme ensuite, les métèques et tout. Le féminisme, c'est très important, mais ça vient quand même après ça et après la transfolie, on va dire. Là où nous nous félicitons beaucoup, c'est qu'il est très jeune, il a 17 ans, il doit être assez, d'un tempérament assez spontané, prime sautier pour effectuer une petite évolution naturelle comme ça. On lui souhaite un bon bonhomme de chemin, donc ça commence très bien. Si à 17 ans, il découvre le milieu moderniste, il le fréquente et il le prend en horreur pour épouser son contraire, disons. Donc vraiment un véritable esprit catholique et traditionnaliste, pour parler avec des mots simples. Donc moi je m'en félicite, disons. Alors oui, effectivement, hein, le but de ces enregistrements au Rémus, c'était surtout de toucher une population un peu plus jeune, qui malheureusement, on en fait le constat, ne lit pas trop. Donc les articles, les livres, etc., c'est pas forcément leur point fort, alors que là, on sait qu'on va être écouté par une population assez jeune. Donc on espère qu'on va pouvoir renouveler la jeunesse hitlérienne. Plaît-il ? Et cher Max, tu pourras en prendre parti, en tout cas on espère. Et force à toi, et fais notre pub, c'est bien sympathique, merci pour ton message, et franchement, t'as rien à faire chez le moderniste, tu t'en es rendu compte, donc très bien, fuis-les, recherche le Christ et sa doctrine, donc rapproche-toi effectivement des communautés traditionnalistes. Moi, j'ai envie de dire, tu peux aussi aller militer dans certains groupes qui vont te permettre un peu d'apprendre la rigueur du militantisme, donc sa discipline, etc., etc., sans non plus tomber dans l'activisme. Moi, un peu les conseils que j'ai donnés aux jeunes, surtout fais du sport, lisez. Donc c'est bien d'écouter les podcasts, mais justement, c'est une porte d'entrée, il faut lire. Et prier surtout, Soyez des vrais soldats du Christ. Au niveau du travail, je peux que te conseiller de choisir un métier utile, avec des savoir-faire, des savoir-être utiles. Donc notamment dans le milieu, je pense, du bâtiment tout de suite, ou de l'agriculture. L'homme aura toujours besoin d'avoir un toit sur sa tête et de manger. Donc tous les autres trucs, le marketing, les machins, en fait, ça sert à rien. D'ailleurs, en cas d'effondrement, ça sert encore moins, on n'en a rien à foutre. Alors que si tu sais construire une maison de tes mains, si tu sais faire pousser de la nourriture, ça servira toujours, ça aura toujours une valeur. Donc moi, d'ailleurs, je peux que vous encourager, à tous nos jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, faites un métier utile avec des compétences réelles. Faire un tableau Excel, ça sert à rien, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Et c'est vrai que c'est un conseil que je vais dire, effectivement, essayez de réparer tout ce que vous avez. Apprenez, pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps, mais qui veulent commencer à bricoler, vous avez un vélo qui est cassé, apprenez à réparer par vous-même. Ça va petit à petit vous donner les compétences nécessaires. Dans les années qui arrivent, au vu de ce qui se prépare, avoir des compétences techniques, manuelles, être capable d'utiliser sa tête, ça va être très utile. Et en plus, c'est comme ça que normalement l'homme est. Nous ne sommes pas hyper spécialisés, nous ne sommes pas des fourmis. Nous avons généralement des compétences générales, nous sommes capables de toucher un peu à tout. J'ai envie d'ajouter quelque chose, mais je pense que Longinus, Dédé et Rex vont me fusiller. Max, n'écoute pas Oremus si jamais tu fais que ça. Ça, c'est un petit conseil perso. C'est-à-dire que j'espère que tu fais autre chose si tu nous écoutes. Que t'es en train de faire ton sport, t'es dans les transports en commun. Enfin, t'as un truc vraiment utile, quoi. Parce que je pense que notre temps est précieux. Ou alors, bon, tu me diras, c'est un podcast mensuel, donc à la limite, ça passe. Mais si t'écoutes d'autres podcasts ou d'autres trucs comme ça, faut éviter de perdre trop son temps. Moi, j'ai un peu ce travers-là, je perds trop de temps, surtout sur Internet, malheureusement, par rapport à mon taf. Le temps est très précieux, il faut l'utiliser à bon escient. Je me souviens que j'avais une conversation quand j'étais dans l'ouest de la France avec un prêtre. On parlait un peu d'essais littéraires. Et à un moment donné, c'est un prêtre qui avait beaucoup d'humour, qui m'a dit « Bobby, faut que vous arrêtiez de lire des bons livres. » Il m'a dit ça comme ça, comme une sorte de provocation. Puis j'ai commencé à arrêter de lire des bons livres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut lire uniquement les excellents livres. Et donc, du coup, il est beaucoup d'humour. C'est pour ça qu'il a proposé la chose de la sorte. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi-même, je me laissais aller un peu sur des sujets pas forcément très importants, à lire un peu droite à gauche. Alors, je lis que des essais. Hein. Je lis pas de romans, de choses comme ça. Je lis vraiment qu'un seul genre. Mais même dans ça, il faut faire un choix, quoi. Et donc, bon, écouter un podcast. Bon, mensuel, ça va. Franchement, je trouve que ça va. Mais si vraiment, si t'as l'occasion, Max, de faire autre chose à côté pendant l'écoute, faut pas hésiter, quoi. Faut maximiser son temps. Écouter Oremus pendant le sport, c'est nickel. Surtout avec la petite musique entre les sujets, c'est le top pour faire le sport, quoi. Ouais, puis on parle de sujets qui remontent bien, donc ça donne l'énergie nécessaire pour taper dans le sac. Après, vous faites bien de lui rappeler que voilà, faut bien utiliser son temps, donc. Pas de jeux vidéo à la place, voilà, se faire un savoir assez sommaire. Il faut commencer par des choses peut-être de culture générale, de catéchisme, de formation de soi, histoire de connaître au moins sommairement, avoir des rudiments un peu partout. Et ensuite, on se spécialise et on lit les excellents livres pour ce qui est de l'aspect lecture, disons, qui sera évidemment qu'une partie de la journée. On n'est pas des purs esprits, à moins d'avoir une vocation là-dedans, à la limite. En tout cas, je trouve qu'il s'exprime très bien pour un garçon de 17 ans et qu'il a déjà un excellent parcours, il a déjà fait certaines choses pour son âge. Il est clairement en avance. Hein. Moi, à 17 ans, j'étais encore un sadomasochiste, hein, complètement. Oui, alors après, ça dépend du milieu et ça dépend aussi si tu viens de la campagne ou de la ville, en fait. Moi, je vais faire mon parcours par rapport à mon... Je n'ai pas été baptisé catholique quand j'étais enfant, c'était quand j'étais adulte. Et en fait, je suis passé par les modernistes qui étaient incapables de répondre à mes questions. Et après quelques mois de catéchisme, je suis parti... j'ai rencontré en fait Dédé sur internet. Je suis parti du coup par ses conseils à la fraternité. Et c'est là où j'ai eu mon catéchisme, je me suis fait baptiser. Donc comme quoi tous les chemins mènent à Dieu au bout d'un moment. Quand vraiment on sent cet appel, quand on a de bon sens, on finit par aller vers Dieu. Et ensuite à Hitler évidemment, c'est logique. Et bien sûr vers Tonton. Ah, mais plaît-il ? Moi ça je peux vous le dire dans les communautés... traditionnel, y a pas ce tabou là. Enfin après ça dépend des pays, mais moi j'ai pu dans le pays dans lequel j'étais, y a pas ce tabou là en tout cas. Ils savaient très bien qui mène la barque. Alors prochain sujet. Alors on a remarqué récemment que l'abbé Rioux, bonjour monsieur l'abbé, a lancé une croisade contre un youtubeur qui se dit historien, qui s'appelle Oleg de Normandie. Donc on va tout de suite écouter la petite vidéo de l'abbé Rioux et on revient après. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente Oleg. Espritviking.com, c'est la boutique qui permet de financer ces vidéos. Donc si vous voulez que ces vidéos continuent à être produites, c'est bien d'aller sur la boutique en ligne, le Viking Gaulois. Toujours dans l'esprit de réinformation historique, une réinformation qui paraît vraiment fondamentale pour pallier notamment aux lacunes des universités. Vous pouvez aussi adhérer à l'association Pagan qui participe également à financer ces vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, c'était une vidéo importante. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir. Alors Oleg se présente comme un historien, c'est déjà comique, qui prétend nous révéler les secrets de l'histoire. Alors je ne suis pas contre le révisionnisme historique, bien au contraire, mais ce que Oleg nous livre, c'est un bouilli de chat indigeste qui n'a absolument rien à voir avec la moindre rigueur historique. Lisez 20 pages du professeur Fourisson ou écoutez-le pendant 20 minutes et vous verrez tout de suite la différence. Tout y est clairement, chez le professeur Fourisson, tout y est clairement exposé, judicieusement argumenté. Oleg, lui, n'a rien d'un historien. C'est plutôt un autiste qui décline tout en fonction de ses fixations irrationnelles. Je vous assure que vous allez plus d'une fois rire, et de bon cœur, tant Oleg a une ignorance crasse, nous offrant ainsi un discours d'une stupidité affligeante. Comme vous l'avez compris, Oleg, qui se dit historien, déforme l'histoire, et c'est de notoriété publique que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le suivent. On peut voir un peu les commentaires. Alors j'imagine que sous ces vidéos, les commentaires sont c'est aseptisé, ils doivent en supprimer certains, etc. Mais ça prend pas mal. Faut savoir que le Oleg de Normandie, c'est un disciple, si j'ose dire, de Jacques Grimaud, qui est le gars qui a fait le reportage sur Internet des soi-disant pyramides extraterrestres, en fait. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Et malheureusement, il y a beaucoup de lambda, beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Et il faut vraiment être vigilant sur ces sujets. Parce que oui, l'éducation nationale ment. Oui, la République nous ment. Du coup, les gens ne croient en plus rien. Mais ils vont un peu croire le premier gourou imposteur qui rend un petit peu bien et qui fait des vidéos sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que la Bériou se permet de défoncer Oleg de Normandie. Les véritables savoirs, c'est avec des experts. Ce n'est pas des mecs qui se prétendent historiens comme ça en deux secondes et qui sortent surtout des choses plus farfelues les unes que les autres. Vous l'avez compris, avec Oleg, on est dans du lourd. On est dans la science avec un grand S. Hein, la science comme sur les plateaux TV de BFM. Et Oleg, comme vous pouvez le constater, à un gros niveau scientifique. Et si vous en doutiez, eh bien, écoutez ce qui va suivre. Parce qu'il faut savoir que la tradition de Noël, elle est directement inspirée de l'ancienne tradition odinique du solstice d'hiver. Déjà, le mot Noël vient du vieux gaulois Noyoel, qui veut dire nouveau soleil. Car à partir du 25 décembre, vous savez que les jours commencent à rallonger. C'est donc une renaissance symbolique du soleil. Et le Père Noël, il est vieux avec une barbe blanche. Il vient du pôle Nord et il arrive en volant sur un traîneau tiré par 8 rennes, 8. Odin, il arrive sur un cheval volant à 8 pattes. Et l'autre côté, c'est un traîneau volant à 8 rennes. Eh ben oui, Odin, il a dû se déguiser pour se protéger de l'Inquisition. Et puis, même sans Inquisition, face à une église catholique puissante, c'est pas évident. Donc Odin, il a dû se déguiser en Père Noël pour avoir le droit de venir voir ses enfants une fois par an. Alors apparemment, Oleg ignore que la révolte protestante du XVIe siècle a supprimé la fête du saint et populaire évêque catholique Nicolas, Saint Nicolas, qui était très répandu dans les pays nordiques. Et le Père Noël, en fait, n'est que la laïcisation de ce Saint Nicolas qui va faire son entrée dans la littérature des colons hollandais aux États-Unis au XIXe siècle. Et ce personnage ensuite va prendre une mesure mondiale et commerciale, évidemment, lorsqu'une firme américaine, justement, va avoir l'idée de dessiner ce vieux bonhomme des colons hollandais aux Amériques en train de boire du Coca-Cola. Si tu me permets d'ouvrir le bal, en effet, comme on a ouvert le camp de travail pour le père, entre guillemets, Mathieu, je pense que c'est pour accueillir du monde, donc là on va un petit peu continuer dans la foulée. Tu l'as dit, le gros problème ici en fait c'est le révisionnisme en roue libre en fait. C'est-à-dire que le révisionnisme c'est quand même une théorie scientifique, historique, où on analyse les documents, on a toujours un peu de doute sur ce qui est déjà établi parce qu'on peut trouver de nouvelles informations qui remettent en question un peu ce que l'on pense, alors il faut arriver à s'actualiser. à bien analyser ce qui peut être vrai, de discerner le vrai du faux et tout. Mais là, quand on n'a plus cette rigueur scientifique, eh ben on est en roue libre, on commence à déblatérer avec une certaine tchatche, hein, parce qu'il parle pas trop mal sur la forme, on va dire. Mais là, le gros problème, c'est évidemment le fond. C'est-à-dire qu'il peut être même sympathique d'une d'autre part, mais là, c'est pour emmener les gens vers le sous-sol. En plus, en faisant du 300, 400 000 vues, quand c'est pas, quelquefois, il rapproche bien le petit million et tout ça. Donc, c'est quand même un gros danger, là. Il est dans sa petite gloriole. Alors, bon, il y a plusieurs choses à dire aussi. On peut dire que les gens sont un peu complices de ce qui leur arrive quand ils font vivre ça. On peut le regarder pour rigoler. C'est la seule limite acceptable. Et je comprends que ça fasse rire, hein, là. Il n'y a pas à dire. Mais en même temps, c'est assez agaçant aussi, quoi. Parce que ça bousille le cerveau de plein de gens. Enfin, ils voient des Vikings gaulois odinistes partout, Tolkien odinistes. Enfin, il y a des. Voilà, il est en roue libre, en fait, quoi. Je le soupçonne de déblatérer vraiment en freestyle, quoi. C'est du freestyle pur et ça marche bien parce qu'il a l'air sûr de lui. Alors les gens ont besoin de ça, ils écoutent, ils veulent leur gourou, mais c'est dangereux, surtout que ça fait passer n'importe quoi. Alors oui, effectivement, si je peux me permettre, quand tu vois le nombre de vues qu'il fait, en fait, il vit de ça, de la rente de YouTube, en fait. Il y a énormément, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui vivent grâce à YouTube. Il y a des gens qui ne font que des vidéos de réaction et qui se font des millions. Je ne sais pas si vous connaissez PewDiePie, il y en a plein d'autres, ils font rien de spécial. En fait, ils apportent rien d'utile, en fait. Ils sont riches à millions. Donc c'est une solution de facilité. Maintenant qu'il a créé son persona et qu'il a créé un personnage et qu'il a fait du contenu et que ça a pris et que ça lui a permis de se financer, sachant que je crois qu'au bout d'un moment, il avait il a mis en place un pot de financement aussi. Maintenant, il va continuer en roulis parce que ça lui permet de vivre sans jamais avoir à travailler. Tout en continuant à déblatérer des conneries. T'es trop gentil, Longinus, parce qu'effectivement, il a YouTube, il a les financements à côté, Ulule, Patreon, Tipeee, tout ce que tu veux. Dès qu'il lance un projet, il le fait financer par sa communauté. Il a un site où il vend toute ta connerie, ses DVD là, délirants, des posters, des marteaux. Les frères, le mec, il vend un bandana pour chien à 25 euros, mon gars. C'est purement mercantile. C'est comme un bandana pour chien. Tu te rends le DD ou 20 cm carrés. Allez, 25 euros. Bah oui, forcément, tu mets un marteau de 800 Thor sur le bandana. Tu te rends le DD ou t'es sérieux? Non, je ne troll pas sur son site internet. Hein. Ils vendent vraiment un bandana pour chien. Je déconne pas. Je vous enverrai ça si vous voulez. Mais ils vendent tout. Tu sais, les marteaux de Thor, les cornes à hydromel. C'est... Si à 40 ans, t'as pas tout, ta corne à hydromel, c'est que t'as raté ta vie. Non, mais surtout, ils vendent les mêmes merdes qu'on retrouve sur AliExpress, quoi. C'est vraiment les mêmes merdes. Donc le mec se fait même pas chier à avoir de la vraie production. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. On se souvient tous de cette publicité pour cette bague soi-disant miraculeuse. C'est ridicule. Non, celle de Skippy est la seule modératrice de bonheur. Oui. Cette bague est une vraie bague des méditations, d'ailleurs. Est écrite en langue rishno, méditation. Medi-Taiwan. Oui. Medi-Taiwan. Medi-Taiwan. Il se moque de sa communauté. En plus, il raconte des conneries qui sont extrêmement graves. Il déforme la réalité. Ce qu'avait dit le monsieur l'abbé Rioux est très bon par rapport à... J'ai oublié son nom. C'est sur Charlemagne, en fait. Charlemagne, sur lequel il répond dans la première vidéo. Et il y a d'autres vidéos bien pires d'Oleg sur Charlemagne où il l'accuse d'être quoi? Un talmudiste, un gnostique, un demi-musulman, un machin. Donc voilà, c'est pour ça que, vous voyez, cher internaute, là, faut fuir ces trucs-là. Et ces gars-là, faut les envoyer en CAP menuiserie direct parce que ça va pas du tout. Là, non, mais il fait rien. Il fait rien d'intéressant, il produit rien d'utile, il ne fait rien d'utile. Oui, ce mec va dans un camp de travail, très clairement. Il va falloir le rééduquer, lui donner un métier à faire qui sera utile pour la société, pour le bien commun. Plutôt que des conneries. Il cassera des cailloux, lui aussi, comme le père Mathieu, mais pas avec une pioche, avec sa tête de pioche directement, ce sera plus simple. Oui, et voilà, mais... Pour rester dans l'aspect mercantile, j'ai vu qu'il vendait un livret, dont je ne sais plus c'est quoi le titre, mais en gros, c'est comment on peut faire pour devenir une sorte de soldat viking, se transformer en viking. Un livret qui coûte 8 euros pour 16 pages. T'imagines? Wow. Ça fait 50 centimes d'euros la page. Il y a peut-être une image sur deux. Tu vois. Ça, j'imagine. Des photos de lui. Oh, regardez, je fais comme ça pour devenir un viking. Non, puis en plus, déjà, ce type n'a rien à dire. Déjà, il ne sait pas écrire. C'est pas pour l'insulter, mais là, par contre, c'est un fait. Il ne connaît pas la conjugaison de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc ça c'est le niveau CP. D'accord? Les verbes du troisième groupe, machin, c'est ça après. Là, pour l'instant, il n'a pas encore le niveau CP. Donc c'est compliqué de se définir historien quand on n'a pas de niveau CP, pour commencer. Ensuite, ses conseils pour transformer machin viking, c'est les mêmes débilités qu'il raconte dans ses vidéos, comme lorsqu'il parle de faire du yoga viking. Alors déjà, bon, yoga viking. Cette culture de l'élévation spirituelle, de la montée de Kundalini, de l'ouverture du troisième œil, de la glande pinéale, fait partie également de notre culture celto-nordique. C'est, écoute, merci Oleg, grâce à toi j'ai appris que c'est bien de pas trop manger sucré, salé, d'éviter de boire des sodas, il faut boire de l'eau, faire de l'exercice. Super, merci Oleg, franchement j'ai appris des trucs. Pour 16 euros uniquement. Aujourd'hui sur l'esprit viking, renforcement mental, ou plus exactement, renforcement spirituel. Pour bien grandir. Oh là là, c'est haut. Mange-moi. Yeah. 1, 2, 3, 4, et 5 fruits et légumes par jour. Non, mais c'est un escroc intellectuel, non, c'est un escroc tout court. Hein. Les gens ont besoin d'idoles. On leur a retiré leur religion, la religion qui était censée catholique, qui était censée justement. Qui a construit notre civilisation, a été remplacée par l'église moderniste, et on leur présente ça comme étant l'église catholique. Les gens, quand ils voient ça, ils disent, mais attendez, il y a un souci. On fait, non, nous, justement, c'est pour ça aussi notre travail, un peu de réinformation à ce niveau-là, de dire non, ce n'est pas l'église catholique. Et donc, les gens partent sur des idoles. Ils ont besoin des idoles. Et donc là, pour certaines personnes, Oleg, c'est un peu une sorte d'idole, une sorte de prophète odinique qui raconte n'importe quoi. Nous sortir que Jeanne d'Arc était une Valkyrie, non. C'est ridicule, c'est une insulte à notre histoire en plus. Et en plus, l'histoire une des vidéos, c'était Tolkien. Il a analysé Tolkien en disant pendant 80 ans, on nous a caché que c'était Tolkien était odinique. Non, Tolkien était un catholique traditionnaliste qui a d'ailleurs converti à la fin. Quel était l'auteur qui l'a converti? Lewis. On en a parlé à la dernière émission. Je voulais pas trop en parler, mais finalement, c'est vrai que vous en avez parlé deux fois de Tolkien, Longinus et Rex. Bon, on va quand même révéler un message qu'on a reçu, qu'on nous a transmis via Telegram. Quelqu'un qui nous a contacté pour dire « Ah, je suis content de la dernière émission, on avait parlé de Tolkien, etc. » Donc, merci, hein, d'ailleurs, ça fait plaisir, on ne veut pas te jeter la pierre, mais la personne nous a aussi rajouté « D'ailleurs, saviez-vous, Tolkien était odinique ?» Non, mais... Alors, on a répondu de manière diplomate, parce que la personne était quand même été polie, donc il n'y a pas de raison de ne pas répondre poliment. On a été ferme pour finalement dire la vérité. C'est quoi ces conneries? Tolkien, il était gâteau, mais... du début jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Puis il n'y avait pas à trancher là-dessus, hein. C'était clair comme de l'eau de roche. Et sur le coup, le message s'est arrêté comme ça. On avait répondu fermement, mais poliment. Et j'avais tiqué un peu. Je me suis dit, il y avait plusieurs manières de présenter la phrase, mais la personne a choisi absolument d'utiliser ce terme odinique, et je me suis dit, ah, c'est typiquement le genre de connerie qu'aurait pu dire Oleg. Et après, j'ai vérifié. Et effectivement, il y a un mois, Oleg, il avait sorti une vidéo là-dessus pour dire que Tolkien, finalement, il était odinique, machin, parce que si vous regardez bien Le Seigneur des Anneaux à 22 minutes 14 et que vous tournez votre écran à 36 degrés, vous allez apercevoir peut-être une ombre de marteau de Thor, tu vois. C'est ça un peu la débilité de ses arguments. Enfin, Oleg veut voir la rune Agal partout. Un simple cercle divisé en 6. Et quand vous voyez cela, eh bien, vous voyez une roue, vous. Mais Oleg, lui, le savant, l'historien, lui, il voit une rune, la rune Agal. Et Oleg ignore qu'un symbole est un signe ambivalent qui peut être utilisé à différentes fins par diverses cultures. Et donc voilà, la personne avait dû croire ce genre d'idiotie, parce qu'il fait preuve de beaucoup de sophisme, Oleg. Donc après, il nous a répété l'idiotie. Oleg, donc le roi des sophistes, qui utilise beaucoup le sophisme du millefeuille argumentatif, donc c'est là le fait d'accoler plusieurs, une multitude d'indices qui ont souvent une valeur de zéro, mais comme il y en a beaucoup, l'être humain il aime bien faire des liens, vous savez, dans le cerveau. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. On a l'impression que ça s'ajoute, du coup à la fin ça devient vrai. Alors que c'est misé sur la faiblesse humaine, parce que la réalité des choses c'est que 1000 fois zéro, ça fait zéro. Et 1 million fois 0, ça fera toujours 0. Voilà. Et 6 millions de fois 0, c'est 0. Ah bon? Bah, en fait, on le disait, hein, les gens qui le suivent et qui aiment, ils se font berner, mais aussi parce qu'ils le veulent bien. S'il y a des escrocs dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui sont compatibles pour se faire escroquer, si j'ose dire. Après, on réagit parce qu'évidemment, le nombre de vues est dangereux et assez incroyable. Puis, il va détruire les cerveaux sur une génération, quoi, le gars. Et puis, comme on dit, il cherche pas tant à être convaincant qu'à sortir des phrases grandiloquentes, quoi. Faut que ça fasse appel à l'émotion plutôt Oui, c'est qu'au du fait. marketing. Bah oui, mais c'est exactement ça. C'est pour vendre. Tu vois les prix de ces trucs, tu vois ce qu'il fait là. Apparemment, il est en Égypte. Il est parti en Égypte pour voir les pyramides et prouver que les pyramides sont. Non, mais. Ouh, je veux dire, non, mais c'est fait. Et voilà, le mec, il se paye un voyage, sans doute payé par ses abonnés, aux frais de la. Voilà, super. Mais Il a dû mec, vous donner avez. un coup de coude, c'est à l'Égyptien, au guide, là. Alors, toi et moi, on sait d'où elles viennent, hein, les pyramides. Hein. Oui, patron. Hein. Non, mais. C'est Odin, hein, on est d'accord. Oui, patron. C'est ridicule tout ça, vraiment ridicule, mais effectivement, le problème, le danger d'Internet, il y a tout et il y a n'importe quoi. Et il faut savoir être capable de trier le bon gré de livret. Il faut être capable de faire avoir cette capacité mentale de filtrer les choses, de dire ok, ça c'est pas utile, ça c'est de la connerie, ça c'est utile. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a des gens aujourd'hui, ils ont de plus en plus, comme on utilise les écrans, ils ont des problèmes de concentration et ils consomment bêtement du contenu comme ça. Sans réfléchir, parce qu'ils sont habitués depuis très longtemps à la télé, des choses comme ça, c'est ça aussi malheureusement, quoi. Ils consomment C'est bien, ça a bien l'air pour d'être ça qu'il marrant. faut rouvrir les comptes de concentration d'ailleurs. Ah bah de toute façon, De travail, de travail. il y a toute une Oui, économie qui mais va être pour avoir la dévastée. concentration. Je peux dire que sous le national-socialisme, sous notre régime, Plaît-il? les youtubeurs, ça n'existera pas. C'est le degré zéro de l'humanité, ce qu'ils font. C'est vraiment débile. Vous voyez, le contenu que vous pouvez trouver débilitant, c'est grave. Et au Ah, contraire. je suis en désaccord avec toi, l'ingénieur. Je veux dire, si la production qui en résulte est intéressante, je trouve pas, ça me dérange pas comme métier en soi, quoi. Le problème, c'est qu'il y en a, trop, et que souvent, c'est des gens qui font des copier-coller de Wikipédia, comme le fameux Nota Bene, quoi. Ça ne veut rien. le gros Benet qui n'a plus de qui n'a plus de roubignol. Oui, voilà, qui a subi une vasectomie, voilà. Les gauchistes se neutralisent eux-mêmes. On n'a plus besoin de ça. C'est Même. magnifique. Puis c'est du Consmi 3000, donc on en a d'autres. On avait parlé un petit peu de Pierre Hilard ou Alain Pascal ou des gens qui hypertrophient un peu le complot, même si ça existe ou que certaines lignes politiques vont dans un sens. Mais en plus, quand c'est devant la face du monde, là, ils se croient un petit peu dans le secret de l'histoire, dans le secret des dieux. Je révèle des choses que personne ne sait et tout ça, alors que en fait, c'est juste un imposteur, quoi, et qui raconte des âneries. Pour Oleg, c'est clairement le cas. Il n'y a pas besoin de trop chercher pour le démontrer, même si, comme disait Bobby, bah, comme il fait le millefeuille argumentatif, s'il fallait répondre à chacun de ses mensonges et quand il en livre 5 à la seconde, bah oui, c'est sûr que ça, en fait, c'est un travail monstrueux, en fait. C'est infaisable. Actuellement, Monsieur Labeyrieux a proposé 2 épisodes à l'heure où on enregistre cette émission sur une douzaine, donc on va rire un petit peu. Et j'aime bien en fait comment il propose la chose parce que vu le nombre de vues, c'est une sorte de devoir de répondre à ça. C'est dans la philosophie, on va dire dans l'esprit, c'est un peu comme ça que fonctionne en fait l'Église de manière générale. C'est-à-dire que l'Église n'a pas le besoin de préciser le dogme qui est clair, mais si vraiment l'hérésie est persistante, elle peut faire un concile. Voilà, le concile de Trente répond au protestantisme et on reprécise ce qui était déjà évident avant, mais voilà, on rajoute une couche. Donc là, malheureusement, bah, c'est quelqu'un qui pourrait toucher, qui touche plutôt des jeunes et des gens qui peut-être peuvent se faire avoir un peu par le montage. Donc on a un besoin de répondre, surtout qu'en plus, s'il nous insulte, tout ce qui est mauvais sur Terre, forcément, ça vient de la faute des chrétiens, quoi. Le matin, Oui, c'est ça. Oleg, il se lève le matin, il marche dans une merde de chien, il va faire une vidéo le soir pour expliquer que les chrétiens ont mis une merde de chien devant chez lui, quoi. Bah, Alors que tout le monde sait c'était peut-être pas un chien qui avait son bandana de Thor, tu vois aussi. C'est... Oui, et puis... Tout le monde sait que la merde de chien, c'était un juif qui l'a mis, c'est pas un chrétien. Voilà, exactement, exactement. Non, mais Non, mais en parlant c'est... du complot, etc., Oleg, lui, il déclare, par exemple, les jésuites contrôlent ou influencent beaucoup de médias. Je prétends que si jamais il y avait un complot, il est le fruit du Vatican. Le complot juif est un leurre créé par le Vatican pour rester dans l'ombre. Voilà. Oui, Cette bien sûr. affirmation de désœuvrer, non mais c'est... Bah, je lui conseille officiellement sur sa chaîne pour voir s'il n'y a pas de lobby juif et de conspiration juive de dénoncer les juifs. Il va voir ce qui va lui arriver. En plus, il me semble qu'il est passé par chez Soral pendant un moment. Il a rencontré aussi d'Ortiguier, qui est le récentisme. D'où, je pense aussi son parce que le récentisme, on pourrait en parler aussi de cette espèce d'autisme radical qui ah bah le Pierre d'Ortiguier, oui, il te dit que Charlemagne n'a jamais existé et que dans oui, le Moyen Âge on enlève 1000 ans comme ça. Tu passes du haut Moyen Âge à la Renaissance et encore peut-être à la Révolution directement quoi. Enfin, je sais même pas si Louis XVI s'est fait décapiter quoi quand tu l'écoutes. C'est ça, et apparemment on a envoyé des prêtres, des moines un peu partout pour modifier les feuilles, tu sais, partout dans l'Europe. Et bien ils avaient que ça à faire. Ils sont idiots en fait, c'est que le papier de l'Antiquité se conservait assez mal et que en plus, comme il y avait une appréhension sur le paganisme, bon, ça a été fait. Il y a des passages d'écrits qui ont été un peu perdus, même de Cicéron et tout ça, très intéressant. Donc il y a même une raison assez noble quand même d'avoir refaire apparaître du texte là où il en manquait, on va dire. Mais sinon, enfin bon, le Moyen Âge n'avait jamais oublié vraiment l'Antiquité quand même. Il l'a conservé comme il était possible de le faire à l'époque. Bien sûr, non, c'est là, ça. Il a conservé Charlemagne. Il ne dit pas qu'il n'a pas existé. Il dit qu'il a existé, mais il a fait ça. Après, c'est lui qui interprète ou non, qui crée des faits, etc. Hein, Charlemagne, il n'est pas très gentil parce qu'il a tué des païens. Ouais, bon, au bout d'un moment, il faut savoir. C'est soit les cathos, c'est des faibles qui passent leur temps à pleurer, soit en fait, c'est des mecs qui peuvent aussi prendre les armes et défoncer, quoi, j'ai envie de dire. Mais la plus grande force des catholiques, c'est aussi d'être capable d'endurer et de construire malgré les coups. C'est ça aussi notre plus grande force. Comment on a fait pour survivre ? On n'a pas fait que la guerre. On sait la faire, la guerre. On sait se défendre. On a été capable aussi d'endurer et de construire malgré les calamités qui nous sont tombées dessus. C'est ça aussi notre plus grande force. Et oui, et c'est des choses que les néo-païens ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir cet esprit de sacrifice. En tout cas, pas dans le même degré. C'est impossible. Parce que... Enfin, je suis désolé, mais... Personne ne va croire que... Odin, avec son œil en moins, si jamais tu meurs, tu vas faire un banquet avec le Valhalla. C'est ça le Valhalla, hein, c'est le paradis où tu fais des païens, où tu fais un banquet et tu bois de l'hydromel et puis il y a des femmes qui dansent. C'est le paradis des musulmans en fait, hein. Ça vole pas haut. Hein. Et enfin, tout le monde sait que ça tient pas debout, c'est des conneries et personne a envie de donner sa vie pour ça. D'accord, même le plus fanatique des néo-païens, il voit que c'est une embrouille. D'accord. Alors que nous, on est porteurs de la vraie religion, et des gens qui ont été prêts à mourir plutôt que de renier leur foi, on en a un paquet, hein. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, c'est des gens qui croyaient vraiment ce qu'ils professaient, contrairement aux néo-païens. Ça, c'est une force que les néo-païens n'ont pas, ils ne pourront jamais l'avoir. Bah, Saint-Louis, hein, prendre le cas de Saint-Louis, lorsqu'il fut capturé par les musulmans, il n'a jamais renié sa foi, et il a même fini par en convertir. Tellement il était impressionnant, tellement il était puissant dans sa foi. Ouais, c'est et puis donc pour préserver les gens un peu d'imposteurs comme ça, c'est que ils croient en fait acquérir une science facile sans effort d'une intelligence immédiate du monde, comme si voilà en deux trois lectures ah bah oui bah c'est des complots de francs-maçons de 33e degré et au-dessus avec les soucoupes volantes de Glossy et tout et en fait là t'as fait le tour quoi. Mais non, en fait c'est plus compliqué que ça. Même on en parlait dans les émissions précédentes, de dire tous nos mots viennent des francs-maçons, point final, sujet suivant. Bah tu prends avant la Révolution française, la monarchie a été gallicane, elle validait les bulles papales en passant par le parlement. D'ailleurs, même la condamnation de la franc-maçonnerie du pape n'est pas passée par le Parlement, donc les Français l'ont pas lu. Donc, enfin, je veux dire, les problèmes, et en plus, c'est 1738, hein, on est quand même presque un demi-siècle de la Révolution et tout. Donc voilà, et c'est bien plus compliqué que ça. Des fois, vous avez votre... voilà, même le Moyen-Âge de 1000 ans, il y a des périodes un peu plus de décadence et des périodes d'essor, période Saint-Louis, ou même Renaissance d'une certaine façon, c'est une période d'essor, même s'il y a des changements de paradigme. Et bon, c'est pas un tort propre aux Français, même si les Français avec le gallicanisme sont pas mal, mais finalement c'est la mise au pas de la religion par le politique, où l'ordre n'est plus trop respecté. Et les doges vénitiens ont fait pareil, et à la Renaissance en Europe d'ailleurs, avant même que débarque Napoléon ou des gens comme ça, on le respectait plus trop. Donc dans l'étiologie du mal, voilà, les aliens extraterrestres de 33e degré et plus, faut arrêter, ça existe, mais c'est même dans le papier de Rivarol... Attends, les aliens des 33e degré, ça existe ? Bah, je sais pas, faudrait pousser un petit peu les études de Glossy qui fait aussi de l'argent sur son lectorat. Oui, ils vendent de la vitamine C d'ailleurs aussi, magique. Voilà. Oui, parce que ça annule le Pfizer dans les veines, je pense. Ouais, et puis ça guérit du cancer aussi. Personne n'y avait pensé, voilà. Vitamine C magique. Je pense que Glossy, lui, il vend pas les bandanas pour chiens, mais il doit vendre, tu sais, les petits chapeaux pointus en aluminium, tu sais, pour se protéger. Des ondes, ouais, la 5G. Glossy, pareil, hein. Pareil, comme oui, pour Oleg, les deux, ils auront même triangle noir. Donc, triangle noir, dans les camps, c'est pour désigner les asociaux ou les fous. Voilà. Donc, les deux, ils auront triangle noir. Le père Mathieu, il aura son triangle rose. Et voilà, en camp, camp de travail, direct. Bah, d'ailleurs, il ressemble passablement à ce mouvement qu'il a soutenu. Là, Glossy, c'est QAnon. Il y a un seul truc vrai que je leur reconnais à eux, c'est dans le monde de demain, avec le numérique, c'est vrai qu'on aura du mal à discerner le vrai du faux. Et il faut qu'il y ait des lois éthiques nationales, internationales sur ça, de ne pas faire... Enfin, t'as l'impression que la vidéo... Voilà, t'as l'impression que le président est en train de parler, en fait, c'est pas lui et tout, donc ces choses-là, évidemment, doivent être empêchées, condamnées et tout, mais le QAnon, c'est vraiment abusé, c'est abusé. Non, non, il parle là, mais il est pas à la télé, et Trump, il a le double des clés de je sais pas quoi, parce que la Maison-Blanche... Je suis tombé sur des tarés, même en IRL, comme ça, moi, j'en suis las, hein, le conspirationniste, je veux plus en parler, je veux plus en entendre parler. Il y a du vrai, mais le fond philosophique est délirant, et tu t'intéresses beaucoup plus au mal et à Satan qu'en fait au bien commun et à Dieu. Donc voilà, vraiment intéressez-vous à des projets positifs, plus au nationalisme que à je ne sais quel franc-maçon, même si ça fait un peu partie du combat, bien sûr. Et tu sais pourquoi les gens, c'est encore une fois la nature humaine, c'est plus facile de croire à ça, par exemple QAnon, et de dire « Ah bah il y a quelqu'un qui va faire tout le travail, j'ai pas besoin de m'embêter ». C'est ça en fait. C'est l'attentisme et le grand monarque qui débarque tout seul du nuage, récite juste à notre père et c'est fini. C'est comme les conneries sur la Terre plate, quoi. C'est bien plus facile de comprendre la Terre plate que de comprendre la Terre, pas ronde, mais plutôt patatoïde, quoi. Un des arguments des platistes, c'est dire « Oui, voilà, moi je me mets à 300 km, je sais pas où, sur les côtes de Marseille, et je vois le fameux Mont Canigou, près de Marseille. » Donc du coup, ça prouve bien que la Terre est plate, parce que sur une Terre ronde, ça pourrait pas marcher. Vous écoutez un argument comme ça, au premier abord, vous réfléchissez 5 minutes, vous dites « Ah ouais, bah, ça a du sens, c'est plausible, c'est facile à comprendre. » Mais c'est pas parce que c'est facile à comprendre que c'est vrai. En fait, la réalité de l'angle de vision qui pénètre dans l'air et qui fait une sorte de réfraction dans l'air, et l'équation qui en résulte, elle est extrêmement compliquée. Moi, je suis en capable de la résoudre et de la comprendre. Les mathématiciens, les physiciens, il n'y a aucun souci pour eux. Mais ça, du coup, ça demande beaucoup plus de compétences. C'est plus difficile à l'esprit d'appréhender ça. Donc, ça a moins de succès. Et c'est pour ça que n'importe quel gogol qui va dire finalement, j'ai pris l'avion et j'ai vu que c'était plutôt plat, il va faire 1 million de vues. Bon, alors après, j'ai un petit peu discuté quand même avec des gens. En particulier, j'aurais parlé de l'observation du pic Canigou là, qu'on voit depuis Marseille. Alors, ils m'ont fait remarquer qu'en fait, le pic Canigou, donc là, on est à Marseille, le pic Canigou, il est là. Ils m'ont fait remarquer qu'en fait, il y avait l'atmosphère de la Terre, ça dévie un peu les rayons. Donc, ils m'ont fait remarquer que même sur une Terre ronde, finalement, on pouvait quand même arriver à voir quelque chose qui s'était situé en dessous de la ligne d'horizon, juste parce que les rayons étaient déviés. Donc en fait, le trajet réel des rayons, c'est ça, mais nous, ce qu'on verrait, c'est ça. Et donc, on voit quelque chose qui se trouve plus loin que ce que normalement on pourrait voir. Mais ça, d'ailleurs, pour l'avenir, ça, avec ce genre de choses qui arrivent, moi, ça me fait... J'ai peur pour l'avenir avec les centrales nucléaires, vu qu'on va finir par manquer beaucoup d'ingénieurs et de gens vraiment compétents. Ça m'inquiète un petit peu, vous voyez. Il y a une centrale nucléaire en République démocratique du Congo. En Afrique, c'est la seule centrale nucléaire d'Afrique. Il y a un reportage extrêmement intéressant là-dessus sur YouTube. C'est à mourir de rire. Je vous invite à regarder ça. En fait, la centrale nucléaire, l'Africain là, qui est sur place, qui dirige le site, il dit que c'est un site extrêmement sécurisé parce qu'en fait, il y a des barreaux aux fenêtres. C'est tout. Tu rentres comme ça, tranquillou. D'ailleurs, il y avait 7 barrettes de plutonium, je ne sais pas trop, j'y connais rien. Et il y en a 2 qui ont été volées déjà, qui ont été retrouvées dans les mains de la mafia italienne. Ouais, elle est excellente, cette coupure d'actualité. Là, c'est... Oh là là là là, je ne savais même pas qu'il y a une centrale nucléaire en Afrique. Ça fait peur. Oh oui. Je vois que vous avez renforcé de... Si, on a renforcé tout ça. Oui. Pour empêcher les vols, de vieux barreaux aux fenêtres. Et derrière cette simple porte, le cœur du centre, le réacteur nucléaire. Il a été offert par les États-Unis et la Belgique juste avant l'indépendance en 1960. Depuis 2004, il est en panne. Mais au fond de la cuve, les barres d'uranium sont toujours là. Avec elles, on peut tout simplement bricoler une petite bombe et irradier des milliers de personnes. Oh, ça doit être la seule centrale nucléaire où il faut produire de l'électricité pour qu'elle fonctionne, tu sais. Elle est en net négatif. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Mais c'est ce qui... déconnez pas, mais c'est ce qui nous attend. Hein. C'est ce qui risque de nous attendre. Si on continue à avoir une population qui suit tout et n'importe quoi, qui a perdu sa foi, qui perd ses valeurs, qui perd ses mœurs, qui persiste dans l'erreur et qui devient de plus en plus débile, parce que les gamins, quand on parlait de l'école, mais ils sortent de l'école, ils sont encore plus stupides qu'ils ne l'étaient avant de rentrer à l'école. C'est-à-dire qu'à la limite, l'enfant qui ne connaît rien, on peut dire qu'il est stupide, mais on lui a rien appris. Mais là, les enfants sortent, ils ne savent rien. Vous imaginez, je ne sais même pas comment on va avoir des ingénieurs, quoi. On va faire venir des Chinois bientôt. Et les théories là-dedans, bah, d'un espèce de grand complot singulier, universel, écrasant et tout, bah, sont très faciles à capter. Donc voilà, un peu comme une théorie la Terre plate sur deux lignes, qui tient sur deux lignes, bah, là, tu y vas. Et alors que finalement, dans les sociétés, plus que de voir des gens malfaisants partout, il y en a très certainement, mais vous avez aussi dans l'eau les malavisés ou alors ceux qui simplement restent parce que la soupe est bonne. Et quand vous avez dit ça, il y a quand même une grosse majorité de gens aussi. Donc c'est pas que un truc unilatéral, c'est même pas hyper caché, parce que je veux dire, tout ce qui est texte mondialiste, machin, bon, c'est archi public, tu lis les documents de l'Union Européenne, tu fais ton François Asselineau, là, c'est bon, tu les as vus. Et en fait, l'important, c'est de ne pas se tromper dans les théories, quoi. Comme disait très bien Lizinko dans l'émission précédente, à quel moment certaines personnes de Civitas dissocient France et Église? On dirait que c'est le même mot. Et vous avez ce même travers chez les souverainistes républicains d'Asselineau et tout ça, c'est quand ils disent France, en fait, c'est la terre entière, c'est l'humanité. Derrière le mot France, on ne parle même plus d'une nation, on parle vraiment de quelque chose de global, où voilà, certains tradits surnaturalistes vont dire c'est l'Église, l'Église et France, c'est la même chose. Et là, vous avez la République française, c'est le genre humain, finalement. Alors, je veux dire, c'est quelque chose présent dans la culture française. Avant même les droits de l'homme, vous avez le roman de la Rose médiéval, qui est d'un même tempérament. Donc c'est vrai que ça fait partie de la culture française, d'un tempérament français, d'une certaine culture française. Donc même là, dans les choses délirantes, finalement, les peuples restent un peu ce qu'ils sont. C'est plus délire que de dissocier pays réel et pays légal, quoi, tu vois, comme si les deux, ça n'avait rien à voir, tu vois. Alors qu'on fait de l'autre, quoi. Ouais, on en avait déjà parlé, je disais, du temps de Maurras, puisque la distinction est maurrassienne, à la limite, ça se comprend un peu plus, peuple catholique, état maçonnique, allez. Mais maintenant, les gens c'est en roue libre dans les corps intermédiaires. Il n'y a pas besoin de vérifier si une mairie ne fait pas bien son boulot ou est fasciste. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rouage qui tourne de travers, là. Parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent se faire qui sont à même de voir se sacrifier, en fait. On est trop attaché aux choses matérielles. Il n'y a plus de gens qui sont capables de se sacrifier. Et on est attaché à la glosse glosienne aussi. C'est ça. Alors, revenir sur notre cher Oleg, je viens de voir un truc, j'avais pas fait gaffe qu'il avait fait ça. Il y a 4 ans, il avait fait Jésus, un païen d'origine gauloise. Alors, rien que pour ça, tu auras un traitement très spécial dans le camp de travail. Oui, il a dit aussi que la Vierge Marie n'a jamais existé. Enfin, moi, j'ai regardé 2 minutes avant qu'on enregistre cette émission. Vraiment 2 minutes, et je vous invite à faire le test vous-même. Que ce soit sur son site ou sur YouTube, si vous voulez, si vous ne croyez pas, le nombre de conneries qui sont débitées en 2 minutes. Monsieur l'abbé a bien raison, monsieur l'abbé Rioux a bien raison de dire qu'en fait, c'est sans fin, quoi. Il ne se passe pas 30 secondes sans que le mec raconte une énorme connerie, quoi. En 2 minutes, ce que j'ai découvert, c'est que était Odinic, Tolkien, Jeanne d'Arc, George Lucas, les Templiers et tous les rois de France. Alors pour Star Wars, ça m'intriguait parce que j'aime bien la série, enfin la trilogie plutôt, je devrais dire. J'ai compris que c'était l'Alliance, c'était des druides odiniques, et l'Empire, c'est les chrétiens. Ça, on ne se fait pas chier à expliquer, hein, c'est comme ça. Les Vikings, ils ont construit à peu près tout, ils ont construit les pyramides en Égypte, au Mexique. Les civilisations incas. C'est exactement ça. Ils ont construit Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, ils ont construit en fait toutes les cathédrales en général. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'il y a un complot jésuite, enfin un complot anti-viking jésuite, voilà. Les Vikings, ils ont jamais construit de pyramide en Scandinavie. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de pyramide en Scandinavie. Mais par contre, ils sont fait chier à aller jusqu'au Mexique et en Égypte pour en construire. Non, mais voilà. Le problème, Rex en parlait en début de sujet, c'est que, avec Internet, maintenant, il n'y a pas de problème d'avoir accès à l'information. L'information est là, faut la trier. Mais il y a la fameuse loi d'asymétrie des baratins, la loi de Brandolini. C'est une loi qui stipule ça prend moins de temps de dire une connerie que de prendre du temps à la réfuter. Voilà, je viens de dire une énormité, ça va me prendre 10 secondes. Pour la réfuter, ça va prendre 5 minutes. Du coup, quelque part, j'ai un peu gagné. C'est 5 minutes, voire 5 heures. Et il y a un héritier à cela, c'est le père Jean Ardoin. On appelle ça la fonction fabulatrice au Moyen-Âge. Et c'est déjà exactement ce millefeuille argumentatif, en fait. Il a perçu, avec malignité, si l'on veut, que ses contemporains préféraient toutes les âneries aux vrais livres, aux hautes références, à la haute culture, ou des choses comme ça. Et donc, il en a joué en pratiquant dans ses écrits une hypercritique. C'est une dérive hypercritique, on appelle ça. Et voilà, il y a une formule pour le dénoncer, la fonction fabulatrice, donc du père Jean Ardoin. Je crois que c'est Moyen-Âge ou Renaissance, dans ces zones-là. Et comme quoi, des Oleg, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Hein, voilà, même si il savait peut-être un peu mieux écrire le français quand même à l'époque, on va dire. Et dans le genre gros barjot, j'ai eu vent d'un gars qui est comme ça autour d'Amiens. Bref, un paranoïaque sous caché. Je crois que ne trouvait grâce à ses yeux que les vidéos de Philippe Loncard-Assac, il me semble. Mais alors tous les autres, il inventait des complots, et même Jérôme Bourbon était un genre de gros sioniste. Quoi. Rivarol, c'était sioniste et tout. Hein. Donc voilà, quand on est sous caché avec des gens comme ça, enfin, voilà, s'ils sont sous caché dans leur coin, ça va, mais quand ils font 1 million de vues sur YouTube, il y a un problème. Quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de camp de travail. Ouais, mais après, même Soral, qui a des grandes qualités et assez cultivé, a un petit peu contribué à ça. Et dans ce milieu-là, bah, surtout le libre-penseur Salim Leiby aussi. Là, c'est la culture du complot à l'infini. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est... Bah, les deux, ils ont un public de maghrébins, hein, forcément. Ils aiment bien les trucs-là. Non, mais c'est vrai, ils aiment bien. Et puis, ça les arrange, tu vois. Si jamais le 11 septembre, du coup, c'est vraiment pas des Arabes, alors si c'est vrai ou pas, c'est pas la question. En tout cas, eux, ça les arrange que c'est pas vrai. Les dinosaures, ils sont pas dans le Coran, bâtard, ils existent pas, wesh. Mais le truc, c'est que moi, je pense pas que le public de Oleg de Normandie, ce soit des Maghrébins, en fait. Alors, bah, après, peut-être, je sais pas, parce que bon, il est marié avec une Maghrébine, hein, avec une Mahométane. Bon, Mahométane, non, c'est pas le culte de Mahomet. Hein, voilà, ils se sont mariés selon la tradition celto-viking. Ils ont juré fidélité hein, devant Odin et Freya. Je sais pas ce que ça vaut. À mon avis, pas grand-chose. Mais peut-être que, ouais, y a peut-être quand même quelques Maghrébins dans son public, mais pff, malheureusement, je crois que c'est beaucoup de Français. Hein. Je suis obligé de lire le passage, c'est sur le site d'Oleg, hein, j'ai rentré. Hein. Le 15 août, Oleg de Normandie, donc il parle de lui à troisième personne, Oleg de Normandie se marie avec une Française d'origine berbère, donc petit aparté, c'est une berbère, et elle n'est pas française, une Française d'origine berbère qu'il fréquente depuis 2011, et avec laquelle il a plusieurs enfants. Le mariage est réalisé selon la tradition celto-viking, il se jure fidélité devant Odin et Freya. Ils ont dû boire dans leur corne de l'hydromel ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Ils sont allés dans le parc, c'est. Et en plus, ils ont des enfants, les pauvres gamins. Tu sais, ils ont dû aller. Ils sont allés dans le parc du coin et avec une toge blanche. Tiens, Didier, tu feras le druide, hein. Tu feras le druide pour le cérémonie. Assurance Twix, viens par ici, s'il te plaît, là, avec la carte. Il est pas frais au poisson. Astérix est là. Je pense qu'ils ont dû mettre feu à un sanglier sur un hôtel à la fin ou un truc comme ça. Aussi. Bah un sanglier pour la Mahométane, je suis pas sûr, hein, à mon avis. Je sais pas comment ils concilient tout ce bordel. Oh là là là là là là, j'ai mal de tête. Bah tout ça pour dire après avec ces conspi et voilà de quelle que soit la variante Oleg ou autre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de débat possible avec ces gens-là. Ils savent déjà en fait, ils savent. Et donc, quand on parle avec eux, je veux dire, même amicalement, virilement, tête à tête, enfin, je veux dire, de façon tout à fait neutrale, en fait, ils, malgré eux ou pas, ils vont avoir une attitude un petit peu de moqueur, un peu de prendre de haut, parce qu'il sait déjà, le gars. Il sait déjà que, je sais pas quel franc-maçon de 34e degré, dans sa soucoupe volante, a fait je sais pas quoi, et toi, tu le sais pas, donc il te l'apprend, tu vois, donc c'est bien. Donc voilà, d'où l'importance, franchement, d'être intelligent, de se cultiver, et en même temps de garder la sagesse, de garder la tête froide. Sinon, on se prend pour je ne sais qui, alors qu'on est juste un taré bon à passer sur QAnon. Et d'ailleurs, les gauchistes se moquent énormément des tarés QAnon, ou encore l'association anticonspirationniste, là, j'ai plus Rudy Rothstein, Mendes France et tout ça. Mais ils se foutent de leur gueule, mais presque à raison, tu vois, c'est ça qui est dommage quand même. Ils sont plutôt de notre bord, ces gens-là, a priori, ceux qui voilà, dénoncent un complot, sont pas vaccinés, tout ce que vous voulez. Mais voilà, même contre l'ennemi, il faut une charité. Vous le combattez avec des moyens honnêtes. Vous racontez pas des conneries. Exactement. Vous dites des choses vraies pour le ruiner. Et il y a plein de choses à dire vrai. Hein. Je veux dire qu'ils n'ont pas le niveau, que mai 68 a détruit toutes les barrières. Sinon, ils seraient encore en train de balayer nos chiottes, là, tous ceux qui nous dirigent et tout. Donc, je veux dire, il y a mille choses à dire. Il n'y a pas besoin d'employer systématiquement le 33e degré et les soucoupes volantes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que des complots aussi. Hein. Il y a aussi la nature humaine, l'acceptation de la nature humaine, le fait qu'on se soit écarté de notre religion et de nos principes directeurs, de ce que nous avions avant. Hein. C'est ça aussi. C'est aussi de notre faute ce qui se passe. Et puis, dans l'ordre naturel, les choses sont tellement accidentelles et infiniment complexes que c'est plus difficile que en effet, comme on théorisait sur le dogme avec quelque chose de, en quelque sorte de figé. Là, tu l'apprends, c'est vrai, et c'est fixé. Là, bon, c'est des sociétés humaines. Hein, je veux dire, même quand tu regardes Résistance et Collaboration, bizarrement, les communistes et les francs-maçons homo et que sais-je encore d'autres ont trouvé dans leur camp l'extrême droite française, une partie de l'extrême droite traditionnelle française, puisqu'elle était primairement anti-Bosch ou des trucs comme ça. Donc, dans les sociétés, vous avez des trucs de dingue qui se passent où des choses a priori contre nature s'allient. Mais du coup, est-ce que vous pensez vraiment que le Oleg, là, avec sa Valkyrie orientale, ils y croient vraiment à leur truc d'odinisme ou c'est pour vendre? Est-ce que vous pensez que ce vendre. Sont des vrais escrocs ou est-ce qu'ils ont conscience d'être des escrocs et de jouer sur la faiblesse humaine? C'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas de débat possible avec eux parce qu'en fait, tu touches à leur business aussi. C'est pour ça que tu peux pas. Ils vont pas admettre leur tort parce que s'ils admettent leur tort, du coup, le mec, il vend pas ses bandanas de. Pour chier à 25 euros, tu vois. Donc c'est compliqué. Mais en même temps, je pense qu'ils sont déjà à la base un petit peu tarés. C'est beaucoup de l'égocentrisme. C'est des mecs qui aiment bien se mettre en avant. Sur le site d'Oleg, on peut dire que Oleg, il écrit, qui fait croire que c'est quelqu'un d'autre, mais en fait c'est lui qui écrit la troisième personne, donc avec des fautes partout, hein, qu'il est l'incarnation du messager d'Odin. Parce que l'homme qui retrouve la véritable histoire de l'humanité et la véritable religion, il est le messager des dieux. C'est ce qu'il écrit. Donc, imaginez le melon de ce type, quoi. Et il rajoute, alors c'est pas une autre page, un machin, c'est point à la ligne. Hein. Il rajoute, quand j'étais enfant, mon œil droit fut navré d'une lance et resta suspendu entre la vie et la mort pendant 9 nuits. Je fus borgne pendant 9 nuits, puis mon œil naquit de nouveau. Cela ressemble beaucoup à l'histoire de Odin. Bah là, il essaie l'œil de la résurrection, magnifique. Il essaye de détrôner Sylvain Durif un peu dans sa catégorie. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas loin du vaisseau de la Vierge et tout. De Odin, des apostrophes, il ne connaît pas. De Odin, c'est comme ça que c'est écrit. Hein. Mais la France, quand on dit France terre d'asile, en fait, on l'avait mal compris. C'est France terre d'asile, c'est pour accueillir tous les fous. On est un asile de fous à ciel ouvert. Désolé, je ne peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Il y a un bon ouvrage, bon, un peu contre poison, hein, genre de remède, d'Ernest Renan, qui n'est pas spécialement mon auteur favori, hein, mais il y a des bonnes productions, où il se pose la question d'une réforme intellectuelle et morale de la France, c'est le titre du livre. Et c'est assez court à lire, donc même notre bon gars de 17 ans ou autre, n'hésitez pas à vous faire une bonne petite lecture comme ça. Voilà, c'est à quoi galvaniser un peu et travailler de vrais sujets plus que des thèses. Paranoïaques, voilà, qui peuvent être marrantes 5 minutes, on va dire. Le problème aussi de ces complots, c'est que ça rend les gens complètement fous. Les gens pensent qu'il y a un énorme complot, que tu as une énorme machine qui va venir les écraser, qu'ils n'y peuvent rien faire, ça rend les gens complètement fous et en dépression. Ça paralyse. Ça paralyse, oui. Et d'ailleurs, je lis la page d'Oleg, biographie. Oleg de Normandie est un historien et vidéaste français et diplômé d'une école d'ingénieur et chef d'entreprise. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Ouais, enfin moi je vais créer un PrestaShop là, et puis je vais vendre des produits, et c'est chef d'entreprise aussi, quoi. Oremus, mais c'est ça, mais c'est exactement ce qu'il fait, le PrestaShop d'Oremus. Vous allez bientôt voir des bandanas pour chat avec Oremus en gros. Avec une belle croix gammée, comme il faut. Et 30 balles les gars, hein. Attention. Prix d'amis en plus, hein, prix d'amis. Non, mais c'est triste que les gens croient vraiment, regardent ces bêtises et croient en ces bêtises et qu'en plus le finance et que le mec il va pas s'arrêter s'il peut vivre tranquillement sans jamais avoir à bosser. En genre de dinguerie au plus haut niveau de l'État, je reviens un petit peu à mon gallicanisme. Genre François Ier, il a fait 4 cardinaux lui-même. Normalement, c'est à l'Église de les nommer. De les nommer. Mais voilà, là, c'est le politique qui prend le pas sur le religieux dans des domaines où il ne doit pas le faire, parce qu'il a le droit de se défendre, de défendre son terrain, son terre-terre, si j'ose dire. Mais voilà, là, les choses sortent de leur ordre, quoi. Ben ouais, c'est ça. En fait, Oleg de Normandie, il se fait lui-même le messager d'Odin, quoi. Alors moi, je pensais que dans la tradition odinique, hein, dans les mythes, que les messagers, c'était les corbeaux, là, les deux corbeaux d'Odin. Bah maintenant, on a Oleg de Normandie. Quoi. C'est... Peut-être que le mec se prend pour un oiseau, en fait. C'est... Il a une bonne tête de piaf. Hein. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes ses oreilles. Pour un oiseau, voilà, c'est le troisième corbeau, c'est Oleg. En plus, ces gens mélangent tout. Hein. Ils font des rapprochements avec la série qui est très bonne, d'ailleurs, la série Vikings, que je recommande, qui est sympa. Et il est énervé parce que la moitié de la série, en fait, la série raconte la vérité. À savoir que, bah, désolé, mon cher Oleg, mais tous tes ancêtres vikings que tu vénères là, mais ils sont tous convertis au christianisme. De leur plein gré. De leur plein gré, on n'a jamais, ou à part dans le cas où Charlemagne avait fait, mais qui d'ailleurs l'abbé Rioux a condamné aussi, mais on n'a jamais converti les gens par la force, ce n'est pas ça le catholicisme. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec là-dessus, je mettrai une petite nuance. Ça s'est quand même produit, d'accord. Faut quand même oui, pas, oui, bien sûr. Mais c'est complètement, c'est débile. Faut pas faire ça pour deux raisons. Si vous convertissez la personne de force, ça veut dire une chose. Et premièrement, la personne n'est pas convertie. Il n'y a pas de baptême de force qui existe. Si vous présentez peut-être l'apparence d'un baptême, à la fin, la personne ne sera pas baptisée si elle ne le veut pas. Et deux choses, vous commettez un terrible sacrilège en faisant ça. Donc c'est doublement débile. Donc, s'il y a des gens dans l'histoire qui se sont adonnés à ça, ça a toujours été condamné par l'Église. Mais nous, on n'a jamais prétendu être la perfection absolue, quoi. Et même quelqu'un qui porte la soutane peut commettre des péchés. Il y a eu des abus de la part de conquistadores en Amérique, par exemple, et même celui de Charlemagne que vous soulignez bien, c'est-à-dire que l'Église de l'époque n'avait pas admis, mais en effet, conversion par la force, bah, vous convertissez quelqu'un peut-être extérieurement, mais pas intérieurement. Or, ce qui intéresse le christianisme, c'est bien le cœur, l'âme, l'esprit. On veut un peu l'homme tout entier, quelque part, un petit peu comme dans le fascisme, mais à l'échelle naturelle. Et on veut un homme nouveau, d'ailleurs, qui renaît de ses cendres, refait. Donc c'est un peu le point commun et un travail intégral sur la personne. On parlait avant de la force intérieure des chrétiens qui sont capables de faire peur de sacrifice parce qu'ils croient au vrai Dieu unique rémunérateur. Et c'est pas « je vais aller au Valhalla pour faire un banquet et puis voir des filles danser », d'accord ? Il y a une vraie spiritualité profonde. C'est insulter la mémoire des Européens que de rabaisser ça à des... conception purement matérialiste, le paradis. Bon, bref, c'est une parenthèse. Oui, parce que sinon, ça veut dire que notre civilisation ne vaut rien, puisqu'elle a été chrétienne pendant 1000 ans. Et en plus, franchement, pour faire un parallèle, chez les Indo-Européens, il y avait la société tripartite, de distinction entre clergé, militaire et peuple agricole qui travaille, qui se reproduit, etc. Et finalement, ça, le Moyen-Âge chrétien l'a respecté. Cette tradition antique la plus ancestrale et européenne et noble qui y est, voilà, avec Oratores, Bellatores et Laboratores. Cette tradition est maintenue, je veux dire, depuis la nuit des temps. Et que, par contre, la République a en effet flingué. Quand on parlait de proposer le salut, alors, proposer le salut, hein, pas l'imposer par la force, hein. On pense souvent à la découverte du Nouveau Monde. Pour ce qui est de Christophe Colomb, par exemple, qui lui a proposé le christianisme là où il s'est installé, donc on va dire aux Antilles, pour faire simple, dans ses trois voyages. Il y a une chose que tu dois savoir, mon cher Oleg, c'est que Christophe Colomb, il est parti parce qu'il était chrétien. Parce que Christophe Colomb, il était omnibulé par le concept de l'ignorance invincible. Il voulait absolument proposer le salut aux différents peuples du monde parce que c'était son devoir de chrétien. Et moi, je croyais que Christophe Colomb, il était odinique. Ouais, il va faire une vidéo là-dessus, tu vas voir, Christophe Colomb odinique, bien sûr. Tout le monde est odinique, en fait. Et il ne serait pas parti, tu vois, s'il était odinique. Allez, du coup, il ne serait pas parti. Parce que Christophe Colomb, certes, il croyait au paradis chrétien et tout, mais il ne voulait pas mourir, tu comprends ? Il est parti dans l'optique de réaliser son projet. Mais il y a quand même une grande part de risque. Et tout le monde savait que c'était à peu près 1 à 2 chances sur 10 de revenir vivant. Mais quand tu crois au Dieu rémunérateur, tu pars quand même, parce que ça te donne une force. Si tu penses qu'après la vie, c'est peut-être un banquet avec Odin et son œil qui pend, là, tu pars pas, parce que tu sais que c'est des conneries. Donc ah bon, moi je croyais qu'au paradis on gagnait des beaches, on jonglait avec et tout. Ouais, je savais pas que c'était. Bah voilà. C'est tellement bas finalement comme conception de ce qu'est Dieu, la déité, de la récompense qui t'attend dans l'au-delà. C'est vraiment, c'est triste. Donc moi, je lance un appel. Si vous cherchez de l'argent à vous faire, vous êtes extrêmement malhonnête, vous pouvez faire comme lui. Vous avez envie de prouver que, je sais pas, n'importe quelle réalisation des Européens, ça vient, bah, comme les Africains font aux États-Unis, en fait, ça vient des Égyptiens. Et ben, vous lancez une chaîne YouTube. Vous allez vous balader dans Paris, dans les quartiers là, Haussmann, et vous allez chercher des triangles, des pyramides, des soleils de Ra, etc. Et vous allez faire des liens à la con comme ça. Puis après, vous faites des boutiques où vous vendez des t-shirts, des DVD et puis des trucs avec des pyramides. Et puis c'est bon, hein. Voilà, c'est réglé. Hein. Et en 5 minutes de balade dans Paris, vous trouvez une trentaine de pyramides. Hein. Il n'y aura pas de souci. Hein. Pyramide du Louvre, Pharaon. 33e degré, soucoupe volante. On a fait le tour. Hein, ouais, bon. Toutes les routes nous ramènent à Glossy. C'est ça. Et ensuite, les Juifs sont nos frères et aînés dans la foi, comme on disait tout à l'heure, ça, évidemment. Le judéo-christianisme, enfin. Comment oses-tu douter ? Va donc faire un stage à Auschwitz pour t'auto-flageller là-bas. Avec ou sans le chapeau de Faurisson. Ah oui, il faudrait que Dieu donne le prêtre, ouais, ça va. Mais en plus, le pire, c'est que c'est l'inverse. On pourrait dire, c'est nous qui sommes les frères aînés des Juifs dans la foi, puisque ce qui est premier en intention est dernier en réalisation, donc c'est normal. Et le peuple juif qui préparait la venue du Messie, une fois que le Messie est là, bon, bah, c'était de toute façon voilà, ce dont on avait besoin avant de passer à l'étape de la nouvelle révélation. Quoi. Le néopaganisme, personne n'y croit vraiment. Au XXIe siècle, en 2023, vraiment, de croire... C'est-à-dire, moi, je témoigne un certain respect avec la mythologie gréco-romaine, toute cette culture et tout, dans le sens où ça a été nos racines premières, ça influence encore aujourd'hui toute la peinture, je sais pas, de la Renaissance, quand vous visitez un musée, vous allez voir, bah, si ce ne sont pas des références évangéliques, bibliques, ça va être forcément mythologique, très souvent gréco-latin, un petit peu de mythologie scandinave du Nord aussi, qui à certaines périodes a repris un peu de gain au XIXe siècle et tout. Et tout ça, je veux dire, c'est tout à fait intéressant, c'est notre culture, on doit aussi le magnifier d'une certaine façon, mais et certainement pas comme le fait Oleg, et certainement pas en croyant que ce sont des mythes vrais. La force du christianisme, c'est que lui, c'est en quelque sorte un mythe vrai. En tant que catholique, nous devons de dire la vérité et rien que la vérité, et de défendre cette vérité, et non pas d'inventer je ne sais quelle histoire à bracalabrantesque pour vendre ses marchandises et vivre. Je crois même que dans l'Antiquité, en tout cas il y a un débat là-dessus, on ne saura jamais le fin mot de toute façon, donc on ne peut que spéculer, que l'impact des mythologies, que ce soit les Grecs ou les Romains, il était culturel plus qu'une vraie religion, c'est-à-dire que les gens n'adhéraient pas vraiment à... Jupiter, Zeus, etc., ils adhéraient culturellement, bien sûr, parce que c'était dans l'air du temps. Mais est-ce qu'ils pensaient vraiment que Zeus, il va lancer sa foudre, etc. ? Beaucoup d'historiens pensent que non. Voilà. Et ça a du sens, parce que première, on va dire, intellectualisation d'un dieu unique, c'est quand même Platon. Et Platon, ça remonte un peu, je crois que c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a peu avant avec Xénophane, peut-être 8e siècle avant Jésus-Christ, où il a un peu la théorie d'un dieu unique, ou du moins de celui qui, un peu comme Zeus, est le dieu des dieux. Quoi. Et Platon, il était contemporain, il a eu son succès directement de ses contemporains. Ça a fait le tour du monde tout de suite, à son époque. Alors il n'est pas arrivé au dieu unique chrétien, d'accord, il n'est pas allé dans un tel degré de précision, mais il est quand même allé très très loin. Il n'a pas parlé de la Trinité, par exemple. Donc c'est possible que ce soit resté un élément culturel. Voilà. Oui, c'est philosophique parce que ça fait partie de la théogonie, mais ça touche quand même un petit peu à la raison, comme quand on veut prouver l'existence de Dieu avec les cinq causes moteurs, on a ça dans l'argumentaire thomiste. Quoi. D'ailleurs, nous, on n'a pas de problème, par exemple, à s'inspirer des bonnes choses de l'Antiquité. Hein. Saint Thomas d'Aquin l'a fait. Nous, si jamais on veut parler de la bonne nature humaine quand elle s'exprime positivement, on le fait et puis on prend les bonnes choses de l'Antiquité. On rejette les mensonges, mais on part d'un socle sain et ensuite on ajoute la pierre du christianisme. On n'est pas en contradiction obligatoirement avec l'Antiquité. Oui, c'est Basile de Césarée, donc qui est un père de l'Église côté grec, mais à l'époque où il n'y avait pas de schisme, qui dans ses lettres grecques disait bien que quand Hésiode fait dans ses poèmes l'éloge de la vertu, évidemment que nous, chrétiens, on s'y retrouve. Là où on est dérangé, évidemment, c'est quand il y a des mythes qui sont un petit peu douteux. Voilà, Zeus, c'est un peu un partouzard, donc ça fait plutôt rougir comme histoire, quoi, on va dire. Ça n'est pas très sérieux. tout cas, les Oleg et les Pères Mathieu entre eux, et, où on sait, hein, dans un camp de travail, et puis entre nous, voilà, gardons les bonnes gens, et puis les Panzers seront bien gardés. Je propose aussi, quand même, par rapport de rétablir les duels, histoire de pouvoir régler ces cons. C'est, ça, c'est anti-catholique, mon cher ami, ça a déjà été touché par l'Église. Oui, un petit peu comme, la corrida, c'est le côté boucherie qui... Alors, il y a des variantes après de la corrida où on met pas moins en scène l'animal dans des choses mortelles, donc d'esquives, qui peuvent être aussi relativement dangereuses, l'air de rien. Je sais plus les noms espagnols qu'on donne, mais c'est assez présent même dans les Pyrénées, ça, en général, ou en Amérique latine. Mais ouais, l'Église apprécie modérément. Hein. Les païens, ils ont Oleg de Normandie, et nous, on a Glossy. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous et à la victoire. Au mois prochain, chers tous. À bientôt.